fraîcheur. C'est fou, 89.1. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Requis. Laurent Constantin éclaira notre lanterne sur l'actualité dans un globe en concentré. Et on discutera d'une série avec Frédéric Bernard et sa chronique Crackpot TV. Assemblage Requis commence tout de suite. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage Requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis en ce mercredi 18 mars 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Salut! Bon matin! Bonjour à toi. On a un plan spécial en ce mercredi matin. Ouais, on a beaucoup de monde. Pas mal de monde. À 8h, Charles-Antoine Rioux va être là pour la chronique du Club plein air UQTR, donc on va s'amuser à l'extérieur avec lui. Mm-hmm. À 8h30, Frédéric Bernard va nous parler d'une série. Je pense que lui aussi, sa chronique est un petit peu spéciale. Il ne parle pas du même genre de série que d'habitude, donc à 8h30, on va lui parler. À 9h, on va continuer avec la troisième partie des entrevues pour les élections de la GEQTR. Donc, on va recevoir tout plein d'autres candidats. Ça, c'est à 9h. On va débuter dans quelques instants avec Laurent Constantin, édition spéciale. D'habitude, il est le jeudi. En fait, d'habitude, il n'est pas là. Mais Il devrait être là le jeudi. Aujourd'hui, donc, il nous fait ça à 7h30 dans quelques instants. Une émission bien, bien remplie. Juste à mon c'est goût. C'est fun. C'est bien ça. Et aussi, ce qui remplit notre émission aujourd'hui, c'est de la nouveauté musicale. Ben ouais! Oui, on a écouté quelques nouvelles entrées hier, mais il nous en restait encore quelques-unes. Et du côté anglophone, on retrouve un groupe qui s'écrit TTWWRRSS. Qu'est-ce que c'est ça? C'est Towers. Ah! Oh! Hey, faut savoir. Faut être le plus prétentieux possible dans ces noms de groupe en 2015 si on veut être trouvé sur Google. Donc Towers, voici Rooftop. Sur C'était Towers et l'extrait Rooftop à Assemblage Requis, oui, au sommet de la tour. Tiens, on va faire un petit, une petite liste dans son foutu palmarès. Chronique Bouchetrou. Foutu palmarès, c'est la chronique dans laquelle on a établi une liste sur un sujet bien précis. Cette fois-ci, Steph, c'est la liste des jeux de société, mais vieux, vieux, vieux. Dans le temps, on jouait à quoi, ça? Oh! Avant qu'on ait des jeux vidéo. Là. Doit être en bois. Ça, c'est en bois, pas mal. C'est pas mal en bois. Donc, certains jeux qui existent depuis 4000 ans. Et certains sont complètement disparus de l'histoire, mais les archéologues travaillent pour découvrir les règles de ces jeux-là. Ils veulent savoir vraiment comment les gens jouaient. Mm-hmm. C'était quoi leur Joker? T'sais? Donc, on commence avec le Senet, S-E-N-E-T. Les hiéroglyphes qui montraient des joueurs égyptiens de Senet qui peuvent dater jusqu'à 3100 avant Jesus. Oh, c'est loin ça, hein? Loin. Je pensais pas que tu irais loin de même. Aussi loin ça? Moi, je m'attendais à début 1900. Ouais, ben non. Même le King Tut, le roi Tut, en avait une copie. Il a passé 3 millénaires dans sa tombe avant que les archéologues modernes puissent mettre la main dessus. Ça, c'est quand même assez intéressant. Ensuite, le Latroun Kouli ou le Mercenaries. Le quoi? Le Latroun Kouli. Ah. Évidemment, les prononciations, c'est selon... C'est approximatif. Le Trunculi, quelque chose comme ça. Donc, c'était la réponse romaine aux échecs. La version des échecs pour Rome. Un jeu de stratégie élégant qui avait des armées de petits pions ou de jetons, si on veut, noirs et blancs. Qu'on faisait traverser sur une planche faite de bois, de marbre, de pierre ou encore d'argent. On dirait plus un jeu de dames. Oui, c'est vrai, de Parcheesi, peut-être même par moment. Parcheesi, c'est quoi? C'est pas mal, on dirait des petits pastilles de chocolat de nos jours. Tu sais, les pastilles, les drops de chocolat que personne n'achète. Hein? C'est comme beaucoup trop cher le sac. Ben, je sais pas, moi je trouve que ça ressemble juste à des jetons de jeu de dames. T'as bien raison aussi. Moi je veux du chocolat partout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Chocolat blanc, chocolat noir. Mmh. Le jeu royal de Ur, U-R. Oh, ça, c'est beau, ça. C'est très, très, très beau. Ur, c'est le jeu de 20 carrés. Traduction littérale, donc le jeu des 20 carrés. Ça existe depuis au moins l'an 3000 BCE. Et puis, c'est ça, c'était de l'Égypte à l'Inde qu'on jouait à ça. On peut l'essayer dans une version gratuite de Shockwave sur le musée du British sur le site web du British Museum. On peut essayer ça. Ah, c'est fort. Et c'est très, très... ça crée une dépendance, qu'on nous dit. Ouais, sais-tu, moi, je le regarde de même. Trouver ça dans les vidanges, là, je comprendrais absolument rien. Absolument pas. Ben, on va l'expliquer un petit peu. Ça ressemble, en fait, on dirait un prisme de 3 par... 5, 6, 7, 8 par 8, 3 par 8 carrés. Sauf vers le 2 tiers, il en manque 2 en haut, 2 en bas sur l'horizontale. C'est comme s'il y avait un tunnel. Un tunnel ou un enclave ou quelque chose comme ça. Et t'as des pions. De chaque bord, j'en vois 8 d'un bord, 4 de l'autre. J'imagine que la photo a été croppée. Non, il y en avait des deux bords. C'était mon furteur qui était croppé par l'écran de l'ordinateur. Mais bref, c'est super beau. Le prisme est un petit peu plus épais qu'une planche de jeu normale. Et t'as des décorations sur chacune des tuiles, des points, des fleurs, des trucs comme ça. Mais ça doit pas être juste des décorations, ça doit avoir un sens. C'est ça. C'est ça le problème. On n'a pas le livret d'instructions. Ben c'est ça, c'est ce que les archéologues font depuis toujours. Ensuite, le jeu du patelli. C'est dans l'Empire aztèque, les familles nobles et les paysans, les gens de la communauté, comme ça, jouaient au patoli. Les participants lançaient des pierres avec des petits points dessus ou encore des fèves pour déterminer comment leurs morceaux allaient se promener sur une planche en forme de croix. Il y avait souvent du gambling, donc on misait sur les affaires comme ça. On voit sur le dessin que ça a été dessiné à la main, donc on n'a pas le vrai jeu en tant que tel. Mm-hmm. Ensuite, on a le Mehen, M-E-H-E-N. Un gros serpent? Un gros serpent, oui, sinon un rond de poil, mais fait avec un serpent, on dirait. Ça ressemble à un rond de poil. Ouais, un rond de poil, mais genre en argile. Ou... Si on veut, oui, mais c'est quelque chose, une texture un peu comme la peau écaillée, en tout cas, avec des écailles. Ben oui. D'un serpent. Les experts sont pas certains ce que cet objet était. On sait que c'est un jeu égyptien. C'était une planche, donc en forme de serpent. Il y avait aussi peut-être des billes utilisées là-dedans. Ça aurait du sens, les billes pourraient peut-être parcourir les creux de ce serpent. Ensuite, le Petia. P-E-T-T-E-I-A. C'est un peu comme les dames, sauf qu'à la place d'éliminer les morceaux des autres en sautant par-dessus, on va se sandwicher entre deux de tes pièces. Donc, on va sandwicher la pièce de l'autre entre deux de ses propres pièces. C'était la mode en Grèce à l'époque. Le Petia était irrésistible pour les grands penseurs comme Aristote, qui disait qu'un citoyen sans état pouvait être comparé à un morceau isolé dans un jeu de Petia. Hein? Ah? C'est quand même fancy, ça. Pitaya, Pitia, on sait pas. On est toujours dans la liste des jeux de société qu'on jouait à l'époque, auxquels on jouait. Le prochain, c'est le Go, qui est encore vivant aujourd'hui. Est-ce que tu réclamais 200$? Ah, drôle. Toujours vivant aujourd'hui, ça a eu ses origines en Chine entre 2500... Il y a entre 2500 et 4000 ans. Confucius lui-même a même écrit à ce sujet-là. Si on avance au présent... l'American Go Association, un journal électronique avec 13 000 abonnés, en tout cas en date de 2011. Donc, ça dure encore aujourd'hui, l'association du Go. Ah ben. Eh ben. Ensuite, le duo Decem Scripta. C'est une table de duo Decem Scripta romaine qui a été trouvée. En fait, on peut encore... ça a l'air romain. Tu vois, on dirait-tu les chaises, là... contenaient des deux bords pour faire transporter quelqu'un, mettons? C'est ça? Ah ben non, pas tout. Pas tout. Regarde, tu... C'est en béton, ça. Tu vas-tu lever ça? Je sais pas, je cherchais la forme. Non, mais c'est juste la forme du siège là, que tu laisses par terre là, pour t'asseoir. Ouais. Donc, dans le musée Ephesus en Turquie, et malheureusement, le manuel d'instruction n'a pas été trouvé. Personne ne sait comment on jouait, mais comme tu dis, ça ressemble sinon à juste une planche avec les côtés relevés, un rack à muffins de l'époque, avec des points à l'intérieur et des petites fleurs dessinées dans des cercles au milieu. Il y en a trois fleurs et 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois 3, 6 rangées de 6. Ça se range de 6 petits points. Voilà. Ensuite, un jeu turc non identifié. En 2013, les archéologues ont découvert ce qu'on décrirait comme un jeu. En fait, ils ont découvert 49 de ces planches de jeu, des pions. Ils ont trouvé des pions, voilà, dans un site qui datait de 2900 BCE. Et selon Aluk Saglam Timur de l'université Egg, qui s'est occupé de ça, de la creuser, si on veut, les morceaux ont été trouvés ensemble dans le même coin. Donc, c'est une découverte unique. Ça ressemble à un jeu d'échecs complet. Mm-hmm. Il ajoute que l'équipe essaie toujours de comprendre la stratégie de ce jeu-là. Ensuite, on passe au Mancala. Les Égyptiens ont peut-être une version primitive du Mancala en 1000 BCE. Dans ce temps-là, on jouait sur des surfaces de pierre ou d'ivoire. Les enthousiastes du jeu aujourd'hui préfèrent le bois. C'est un jeu... on joue dans une genre de grosse fève ouverte. Ben, c'est exactement ça que je trouvais que ça avait l'air. Donc, il y a des trous dans une espèce de... comment dire, de long... longue surface, on dirait une courge ou je sais pas trop, quelque chose que tu as coupé en deux. Ben non, mais c'est une courge, une fève. On vient de dire. Gigantesque. Mais oui. C'est plus gros que ça. Tu cherchais quelque chose de gros. Tu fais ben sur oui, le long. Ça fois 1000, genre en fois grosseur. Mille. Et puis il y a des trous dedans et on a des roches et, ou des billes et on joue là-dedans. On saute de trou en trou, j'imagine. Et ensuite, pour terminer, c'est le Terni Lapilli. Des planches de Terni Lapilli qui ressemblaient à des grilles de tic-tac-toe étaient assez... tellement. Oui, assez communes à l'époque romaine, encore une fois. Donc, Terni Lapilli. C'était une liste de jeux de société rétro. Je trouve ça fascinant. J'aurais aimé qu'on ait les règles de tout, même si je les aurais sûrement pas expliquées, parce que ça aurait été trop compliqué. Mais vraiment beau à voir. C'est déjà quand on a un petit jeu ben ordinaire à la maison, c'est pas toujours évident, les règles, tout le monde s'obstine. Ouais. Mmh. Ouais. Ah, voilà pour son foutu palmarès. Le lien est sur assemblagerequis.com. On était dans les nouvelles entrées tantôt. Avant de passer à notre ami Laurent Constantin et sa chronique Le Globe en concentré, voici Danko Jones et Do You Wanna Rock au 89.5 FM. Get off, get out, let's get it on. Everybody's watching us, and you're the only one I trust. I never wanna leave you, I always wanna see you. The music's gonna stop, so do you wanna rock? Everybody's watching us, and you're the only one I trust. I never wanna leave you, I always wanna see you. The beat is calling us, I never wanna get enough. Everybody's watching us, and you're the only one I trust. I never wanna leave you, I always wanna see you. The music's gonna stop, so do you wanna rock? Dako Jones et Do You Wanna Rock, pièce extrêmement redondante hein, sur leur album Fire Music, Assemblage Requis. Maintenant, tiens, un revenant, toi, un revenant, c'est Laurent Constantin, voici le globe en concentré. I used to own this town, now it's all turned upside down. I wish I could figure out. Salut Laurent Constantin! Bonjour Mathieu Plante. Hey, ça fait longtemps, j'ai l'impression que ça fait 6 mois qu'on s'est pas vu. Pratiquement, ben oui, j'ai su me libérer pour venir voir mes animateurs de radio préférés. On est-tu gâtés? T'es fin, oui, maison, oui. On est privilégié de t'avoir quand on t'a. Donc on va faire une bonne chronique ensemble sur l'actualité, oui, internationale. Oui, exactement. Et qu'est-ce qui se passe dans le monde? Je pense qu'il s'en passe pas mal des affaires, mais qu'est-ce que tu as choisi de nous? Ben oui, c'est ça. Ça fait tellement longtemps que j'aurais pu parler de n'importe quoi. Là, je pense, bon, est-ce que je parle des jeunes djihadistes, ouais, québécois et d'un peu partout dans l'Occident qui s'en vont faire le djihad imaginaire au Moyen-Orient? Mm-hmm, peut-être. Mais non, peut-être une prochaine fois, j'ai plutôt pensé parler... De Joël Djian. On passe à un autre. Mauvais goût. Ah, j'en pourrais dire beaucoup sur ce parc-là que mais... j'ai déjà... Non. On va parler du Dalai Lama. OK. Le Dalai Lama. Du bouddhisme et de la Chine. OK, cool. Oui, c'est une bonne idée, ça. Donc, peut-être l'avez-vous vu dernièrement, dans l'actualité, le Dalai Lama a annoncé qu'il ne voudrait peut-être pas se réincarner. OK. C'est fini, là, il est fini. Là, on dit, non, je suis le 14e Dalai Lama, c'est fini. Il change de job, il va aller travailler dans un dépanneur, ça va être bien correct. Non, c'est-à-dire que lui, il va finir son mandat, si on peut dire... au moins. Son mandat pour lequel il est né. Oui. Mandalai Lama, comme on l'appelle. Son Mandalai Lama. Mais il va dire, peut-être que j'aurai pas de successeur. Peut-être que mon successeur va être une femme, ou peut-être même peut-être que je vais me réincarner en abeille ou en n'importe quoi d'autre. Je ne sais pas. Parce qu'il y a un contrôle, c'est ça là-dessus, lui, c'est ça. Il n'y a pas de contrôle, il vient de dire qu'il ne savait pas. C'est ce qu'il essaye de laisser croire. Je vais un peu vous alimenter sur cette question-là, est-ce qu'il y a vraiment le pouvoir de se réincarner ou non, de choisir en quoi il va se réincarner? Est-ce que c'est lui qui décide au final? Donc, ça a commencé autour du 7 septembre 2014, où il a annoncé officiellement qu'il sera le dernier de la lignée, précisant que l'institution du Dalai Lama était principalement importante en raison de son pouvoir politique. Donc, bon, on mêle politique et spirituel. Je continue, on s'explique. Donc, en septembre, en effet, le Dalai Lama laissait entendre dans un journal allemand qu'il pourrait mettre fin à une tradition vieille de 500 ans en interrompant son cycle de réincarnation. Ce à quoi le congrès du Parti communiste, qui considère cette question un sujet d'intérêt national, que les décisions concernant la réincarnation du Dalai Lama relèvent du gouvernement central chinois. C'est une conspiration du Dalai Lama. La tradition se poursuivra, qu'il le veuille ou non. Alors la Chine décide, non, non, ce n'est pas le Dalai Lama qui a la décision de se réincarner ou non, c'est le Parti communiste chinois qui va décider si oui, il va se réincarner et comment il va se réincarner. Pas de référendum là-dedans. C'est n'importe quoi comme débat, ça. C'est n'importe quoi. Donc ça, les paroles que je viens de vous lire, c'est le responsable du comité des affaires ethniques et religieuses en Chine qui a dit ça. Mais tu sais, à la limite, si le Dalai Lama a vraiment ce pouvoir-là de décider d'arrêter la lignée, comment est-ce que le gouvernement chinois pourrait l'en empêcher? Ah, c'est là que revient toutes les décisions, parce que peut-être qu'ils ont un comité de sages qui pourrait tellement être intelligent et déterminé qui est la personne réincarnée. Ah, imagine ce que les médias vont en faire. Le journal Dalai Lama de Montréal, comment là-bas va... J'imagine le journal Dalai Lama. Ça va créer un tollé dans le journal Dalai Lama de Montréal. C'est ça. Alors, Pékin parle de profanation de la religion bouddhiste et a même traité du sujet lors de ce que je disais, son très sérieux congrès annuel. Le gouvernement chinois lui dénie le droit de prendre cette décision. Donc, non, Dalai Lama, ce n'est pas toi qui choisis de ta destinée. Eh boy. Donc, derrière cette déclaration choc du Dalai Lama se cache une stratégie pour empêcher la République populaire de Chine de justement nommer la personne qui lui succédera. Mmh. Donc, la peur de placer un pantin contrôlant le Tibet. Parce qu'on se rappelle bien, le Dalai Lama, il contrôle politiquement et spirituellement le Tibet. Puisque, en effet, normalement, c'est censé être un comité de sages, si on peut dire, dont fait partie le Dalai Lama, qui, par leur vision, par leur prière, si on veut dire, finissent par trouver qui... c'est réincarné en le nouveau Dalai Lama. Et là, ben, le gouvernement chinois, comme ils ont pris le contrôle du Tibet, se disent, bon, on a pris le contrôle du Tibet, donc nécessairement, on a pris le contrôle du comité qui décide du Dalai Lama. Mm-hmm. Donc, nécessairement, dans un pays communiste qui est aussi laïque, voire même athée, c'est plutôt spécial que le pouvoir politique veuille avoir une emprise sur le religieux, donc le pouvoir temporel sur le spirituel. Donc, comment quelqu'un qui contrôle, si on peut dire, un territoire sur Terre peut décider d'un jour à l'autre contrôler qu'est-ce qui se passe dans le ciel, si on peut dire, dans le métaphysique. Mm-hmm. Ou ce qui se passe pas du tout, selon certains, mais c'est ça dépend. C'est ça, exactement. Ouais. Eux, ils se disent, ça n'existe pas, mais s'il y a de quoi qui existe, on va le contrôler. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir exactement sur le Dalai Lama? Donc, Dalai Lama, ce n'est pas le prénom d'une personne, c'est plutôt le nom d'une fonction. Donc, Dalai viendrait du mongol océan. Et Lama, pour maître réincarné. Donc, on pourrait traduire ça avec à peu près comme océan de la grande sagesse. Oh, c'est beau! Ah, ouais, quelque chose comme ça. C'est un titre qui existe depuis 1578, donc c'est ça, juste à peu près depuis 500 ans, qui a été reconnu la première fois par un des empereurs mongols, qu'on appelait les Khan à l'époque. Mais le tout premier Dalai Lama, parce que celui qui a été reconnu était comme le troisième de sa lignée, est en réalité né en 1391. Celui qu'on a présentement, qui fait ses déclarations choc en Chine, se nomme Tenzing Gyatso. C'est le 14e Dalai Lama. Il est né au Tibet ou dans une région frontalière de Tibet et la Chine, puisque à sa naissance, on ne savait pas trop vraiment si la région était sous contrôle chinois ou tibétain. C'était pas clair. Il y a un flou. C'est faut pas non plus confondre avec l'autre, le grand sage. Là, Denzel Washington. Ouais. Ou Denzel Washington. Denzel Washington, comme on dit. Dalaisel Washington, comme on l'appelle. Ou sinon, le maire de Saguenay, Jean Tremblay, le Dalai Lala. Non? Le Dalai Lala. Essayer de faire un autre. Ouais. Politique, moi. J'essaye, tu sais. C'est vrai que c'est très politique, Dalai Lala. Vraiment? Ouais. Il pourrait peut-être. Tu sais, ce serait fou s'il se réincarnait en. Responsable de Greenpeace. Oui. Bon. Alors, Tenzin Gyatso, le 14e Dalai Lama, est né en 1935. Il a été reconnu dès l'âge de 2 ans comme la réincarnation du 13e Dalai Lama. Donc, il a été reconnu à 2 ans, mais le 13e était mort, je crois, 2 ans avant sa naissance. Donc, ça a pris à peu près un 3-4 ans pour que les grands sages réussissent à avoir la vision exacte de qui s'était réincarné. Ils ont fini par le trouver justement dans son petit village paysan. Ses parents étaient d'origine très, très modeste. Mais au moins, il laisse quand même le temps à l'esprit de revenir, tu sais. Ça... Oui, tout à fait, tout à fait. Il se réincarne pas avant d'être mort. C'est ça, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de confusion, de j'imagine. Transition, ouais. Son âme ne quitte pas son corps de son vivant, non, c'est ça. Mm-hmm. Donc, à 2 ans, il est devenu officiellement le Dalai Lama. Il s'est installé à Lhasa, l'espèce de grand palais au Tibet, à l'âge de 4 ans. Donc, comme je l'ai dit, le Dalai Lama, c'est le chef spirituel et temporel du Tibet. Donc, autant il règne sur le religieux, donc les esprits, autant il va régner sur le territoire qui est le Tibet. C'est encore la même chose aujourd'hui, quoique... Je vais vous expliquer qu'il est en... le Dalai Lama actuel est en exil du Tibet, c'est-à-dire qu'il a quitté le Tibet parce que politiquement, il avait peur de rester où il est, depuis 1959. Donc, on a envahi le Tibet en 1950. Et en 59, il y a eu une grande crise justement au Tibet. Et un peu pour se sauver de tout ça, il est allé en Inde où on lui reconnaît l'exil politique. Mais là, s'il meurt puis il se réincarne, est-ce qu'il va se réincarner en Inde ou au Tibet? Mais c'est ça la question. Est-ce que vraiment le Dalai Lama peut se réincarner là où celui n'est plus? Donc, est-ce qu'il pourrait se réincarner en Chine alors que le Dalai Lama déteste la Chine et les Chinois détestent le Dalai Lama? Est-ce qu'il se réincarnerait en Inde? Puisque le bouddhisme a quand même quelque chose d'indien également. Est-ce qu'il peut se réincarner en ongle incarné? On ne sait pas. Oui, c'est ça. Quand je dis tantôt, il pourrait se réincarner en abeille, en ver de terre, n'importe quoi. Tout est possible. Tout est possible. Ben, ça serait malaisant là, s'il se réincarnait genre en Australie. Oui. S'il se réincarnait en réincarné, genre en cornet de crème glacée. Il fondrait. Réincarné de crème glacée. Ouais. Une fonction qui fond au soleil. Malgré qu'au Tibet, si tu vas dans les montagnes, là, il ne fondra pas. C'est doux. C'est doux. Merci, le 8e météo au Tibet. C'est doux. C'est doux aujourd'hui. C'est doux demain. C'est doux après-demain. C'est doux, Louis. Hey, on y va-tu? Ça fait ça. Il manquerait d'oxygène un petit peu. Alors, de l'Inde, depuis 1959, le Dalai Lama dirige un gouvernement tibétain en exil, donc qui tente de prendre certaines décisions de là où il est. De là où il est, Lama. Oh, wow! C'est toi qui l'as eu, celle-là, en plus. Donc, le gouvernement n'est reconnu par aucun État, mais plusieurs ressortissants, la diaspora, dans le fond, tibétaine, reconnaît certains pouvoirs en ce gouvernement. Donc, il y a des milliers de Tibétains maintenant en Inde, dans certains villages, qui suivent le Dalai Lama dans ses actions politiques et spirituelles, tout de même. Donc, la réincarnation de cette fonction, qu'est-ce qu'il faut savoir à propos de ça? Donc, depuis le 17e siècle, après chaque décès d'un Dalai Lama, un comité composé de Tulku, était chargé... On dirait un méchant dans Star Wars, c'est pas Cthulhu? Oui. Hein? Les Cthulhu. Surtout tout gluant de la face. Oui. Était chargé d'identifier la réincarnation de leur chef parmi plusieurs dizaines de jeunes enfants candidats, selon des rituels de recherche, de reconnaissance et de vérification très complexes, mystiques et collectifs. Lorsque la réincarnation du Dalai Lama était identifiée, l'enfant était conduit au Potala, donc l'espèce de palais à Lhasa, pourrait recevoir les enseignements du bouddhisme tibétain sans être séparé de sa famille. Donc, en effet, sa famille arrivée au palais était comme un peu anoblie. Ça devenait une famille sainte, on peut dire, d'avoir donné naissance à un enfant prodigue de même. Donc, de ce que je viens de vous lire, est-ce que le Dalai Lama peut-il réellement se désigner lui-même? Est-ce que c'est un comité qui a la légitimité ou finalement l'État chinois a cette légitimité-là? Là est la question. On va le savoir quand? Ouais. On va le savoir. Là, le Dalai Lama a dit, de toute façon, si je me réincarne de mon vivant, parce qu'il a dit, ah, il existe des lois que je pourrais me réincarner de mon vivant, là, comme que mes fonctions quittent mon corps. Donc, soit que je le fais pas avant mes 90 ans, et là, en ce moment, il a 73 ans. Mais il risque pas de mourir avant, Peut-être, peut-être. C'est comme l'histoire de Raël, là. Ouais, les extraterrestres vont arriver en 2050, là, mais tout aussi crédible, c'est sûr que je vais mourir avant ça. Et partir avec la petite caisse. La petite caisse. Où on va le savoir, tu sais, peut-être qu'il va mourir. On va voir s'il y a vraiment un comité de sages tibétains ou chinois. Il va peut-être avoir une contestation. On va dire, on va nommer deux Dalai Lama. Quel est le vrai Dalai Lama? On a déjà eu cette crise-là dans le catholicisme où il y a eu un pape à Rome et un pape à Avignon. Ils disent, qui est le bon pape? Alors, en bas de boîte. C'est là qu'il y a eu comme des guerres. Là, et puis c'est vraiment y avoir un bon pape. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, il y a une chicane. Donc, la France voulait son propre pape. On dit, on ne reconnaît pas le pape de Rome. C'est un goujat. Nous allons voir notre pop-pape. Pop-pape, on dirait une sorte de nouvelle pop-chips. Alors, peut-être que là, il va y avoir des gens qui vont se dire Dalai Lama pour des escrocs. Moi, je dirais que la réponse officielle serait qu'on va le savoir dans les plus brefs Dalai Lama. Ben oui! C'est ça qu'on va savoir. Tout à fait. Et là, qu'est-ce qu'il faut savoir à propos de la Chine dans toute cette histoire-là? À quel point ils peuvent être control freak? Alors, les hostilités débutent avec le Tibet en 1950. La Chine est communiste depuis 1949 avec la révolution de Mao Tse-tung. On se rappelle, durant la Deuxième Guerre mondiale, la Chine va être assez dévastée par le Japon. La Chine est un peu protégée par le Royaume-Uni, les États-Unis, mais le Japon va réussir à, ça veut dire, s'emparer de la Chine. Donc, ensuite de ça, il y a un désir, ça veut dire, de ranimer la Chine, de la rendre forte, de l'unifier, de contrôler tous les territoires qui parlent le cantonais, le mandarin. Donc, c'est sûr, on parle de la Chine centrale, celle comme des empires, des royaumes antiques, mais aussi on peut parler du Tibet qui a été envahi, et d'Hong Kong, de Taïwan, de tous ces territoires-là qui sont plus loin, si on veut dire, de la Chine centrale de Pékin, Beijing. Donc, suite à cette invasion en 1950 de la Chine, il y a l'Inde où s'est réfugié le Dalai Lama qui avait réagi en disant « Utiliser l'épée contre le peuple tibétain, traditionnellement pacifique, est injustifié. Aucun autre pays au monde n'est aussi attaché à la paix que le Tibet. » Le gouvernement chinois n'a pas suivi l'avis de l'Inde de régler pacifiquement cette affaire. Et on continue en disant, l'Inde doit nécessairement être concernée par ce qui se passe au Tibet, dans l'espoir que l'autonomie de ce pays pacifique soit sauvegardée. Donc de dire, on peut pas envahir un pays qui n'a pas d'armée, qui est tout simplement sans défense. Ça se fait pas. On aurait pu faire ça de façon pacifique, créer... certaines façons de régler des conflits. Là. De toute façon, en ce moment, au Tibet, il y a une certaine autonomie régionale. De toute façon, ils sont tellement loin de la Chine centrale. Ils ont créé un TGV. Ça prend quand même des journées pour se rendre là. C'est plutôt inaccessible, autant parce que c'est éloigné, autant c'est en hauteur dans les montagnes aussi. Là. C'est pas une région densément peuplée, le Tibet. Et bon, nécessairement, le Parti communiste, je vous en ai parlé, ils ont assez peur. Ils ont assez peur parce qu'ils voient des forces un peu partout qui s'opposent au pouvoir du Parti communiste chinois. Donc, on le voit à chaque fois qu'il y a des manifestations étudiantes, on tente de les faire une certaine répression pour étouffer, si on peut dire, ces émeutes-là. Et il y a aussi, depuis plusieurs années, un mouvement, le Falun Gong, qui est une déviation du Qigong, une espèce de forme de méditation. Oh oui. Qui, elle, est complètement rendue interdite en Chine pour la raison simple où il y a environ 60 à 70 millions de personnes dans le pays qui pratiquent le Falun Gong. Et c'est à peu près le même nombre de personnes qui sont membres du Parti communiste chinois. Ah, donc, ils se sont dit, s'ils ont plus d'adhérents que nous, ou à peu près le plus, sont menaçants. Ça veut dire qu'ils pourraient devenir eux-mêmes un parti politique et tenter de nous renverser. C'est plutôt dangereux comme force, ça, le Falun Gong. T'sais, ils vont faire de la méditation, puis pendant qu'on va le dos tourné, ils vont être au gouvernement, ils vont nous diriger. Maudits méditateurs, là, qui veulent prendre le pouvoir, qui veulent péter le parti du Parti communiste chinois. Maudits Falun Gong, et après ça, ils vont se partir un talk show avec Jimmy Falun Gong. Donc, c'est pour ça qu'on dit que la Chine communiste veut interdire tout mouvement qui pourrait créer compétition avec la Grande République communiste, socialiste, on peut dire populaire de Chine. Donc, pour revenir au sujet du Dalai Lama, si finalement il ne veut pas se réincarner, c'est parce qu'il ne veut pas donner cette fonction-là entre les mains des décideurs chinois qui pourraient tout simplement soumettre le peuple tibétain devant un pantin en disant « Nous avons nommé un nouveau Dalai Lama. Nous acceptons qu'il reste au Tibet auprès de vous. Il aura tous les pouvoirs politiques, spirituels. » Mais maintenant, écoutez-le. Et nécessairement, ben, si vous l'écoutez, c'est nous qui parlons à sa place. Donc, vous allez devenir de parfaits petits communistes. Oh, mais là, il ne faut pas qu'il meure. Non, il n'est pas si vieux que ça. Là. Il est plus jeune que le pape François. Là. Tous les papes sont plus vieux que tout le monde. En fait. Ils sont tout le temps vieux, les papes. Ils choisissent vieux. Oui. Ben, faut peut-être l'expérience. Ben, c'est ça. La vieillesse réincarnée. Voilà, voilà. Bon, ben, c'est ça. De toute façon, on va se retrouver avec un Dalai Lama de 2 ans. Là, pouvoir politique... Il fera pas des belles conférences un petit peu partout sur la Terre. Ils ont dit qu'ils suivent une formation jusqu'à genre l'âge de 18-19 ans où ils deviennent véritablement en pouvoir. Parce qu'on s'entend à 2 ans, t'es même pas propre. Non, c'est ça. Le Dalai Lama, justement, je vous dis, il est né en 35. Il a seulement eu le pouvoir en 1950-51. Donc, c'est arrivé à peu près pas mal en même temps que les invasions chinoises. Et il avait 15 ans, donc t'as pas totalement tout ton jugement non plus, tout ton leadership, même si t'as été préparé toute ta vie à ça, c'est quand même assez compliqué. Donc, voilà pour le Dalai Lama, on va voir qu'est-ce qui se passe. C'est un sujet intéressant, moins compliqué que j'aurais pensé, celui-là, parce que bon, ça reste n'importe quoi, on s'entend, pour nous autres, là. Mais je suis éclairé maintenant. Donc, qui vivra, Dalai verra. C'est ça. Ben, je l'avais assez noté, je trouve. Ah, t'es meilleur dans le jeu de mots, hein. J'ai noté, là. Justement, en écoutant, en les notant, je t'écoute moins, mais je t'écoute pareil, puis je t'écoute plus la prochaine fois. Denzel Washington, c'est le meilleur. Denzel Washington. Denzel. Merci, Laurent Constantin. Ça fait plaisir. Bonne journée. À la prochaine fois qu'on se verra. À la prochaine fois. Voilà. dans quelques instants, ce sera Charles-Antoine Rioux et la chronique du Club plein air UQTR. Ça s'en vient juste après ceci. Sur C'est fou, le temps sondage requis jusqu'à 9h30. En marge. C'est fou, 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. On est toujours mercredi le 18 mars 2015. C'est Philippe Paradis là. Mathieu Plante. Oui. Toujours là. Bien sûr. Et on reçoit, comme on le fait de temps en temps, pas tout le temps, mais le plus possible, aux 2 semaines, c'est Charles-Antoine Rioux, que voici avec la chronique du Club plein air UQTR. Alors, ce beau mercredi matin, très chaud, de printemps. T'es prêt à descendre une pente pareille? Ouais, en slush. En slush. Oh, nous voilà arrivés en bas de la côte. Salut. Déjà? Ouais. c'est une petite colline. C'est une côtelette de porc. À fondu. Voilà, c'est peut-être ça. Bref, on parle de plein air comme ça quand on se rencontre. Et c'est quoi ton sujet aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire un peu, en fait, un parallèle avec la semaine dernière, pas il y a deux semaines, mais il y a un mois quand on s'est vu la dernière fois. OK, oui, c'est vrai. On parlait de comment bien gérer sa chaleur, comment se réchauffer à l'extérieur. Uh-huh. Alors, on parlait du nous dans l'environnement. Oui. Là, on va parler de l'environnement par rapport au nous. Okay. On va faire un petit peu de météo ce matin. C'est surtout, en fait, avec... c'est un peu sarcastique quand je dis qu'on a un beau mercredi matin très chaud parce qu'il fait vraiment très froid dehors. OK. C'est drôle comment à 7h30, 7h15, quand j'arrive, il fait rarement très froid. Je suis même très bien. Puis je me dis, waouh, mais quelle belle journée. Puis après ça, on arrive au bureau. Il est rendu peut-être, il est quoi, 8h15 à peu près. Puis là, tout le monde me dit, on gèle. Puis quand je m'en vais à la fin de la journée, on gèle vraiment beaucoup. Le matin, je m'attendrais à de la température plus froide. Et le midi, quand il fait plus soleil, plus chaud. Hein? Ben, t'as en partie raison, Mathieu, parce que c'est vrai. Ce qu'il faut comprendre avec la météo, c'est que le gros moteur de notre planète, qui est la Terre, le gros... Colette, qu'on appelle, ça. Ouais, c'est ça. Provenché. Autre moteur-là, le moteur énergétique, mettons. Tout ce qui a un rapport avec la météo, avec la température, c'est toujours le soleil. Hein? Ouais. Donc, pour qu'il fasse chaud à la surface où nous on est, il faut quand même qu'on ait reçu des ondes de soleil, de l'énergie du soleil pour que ça se réchauffe. Mais ça, c'est toujours un peu en décalage avec la lumière qu'on perçoit en temps réel. Aha. Dans le fond, le moment le plus froid de la journée, c'est pas en plein milieu de la nuit, c'est quelques heures après que le soleil se soit levé. Okay. Donc sûrement, si t'arrives le matin à l'école, il fait encore un petit peu sombre. Ouais. T'étais pas encore dans le pic le plus froid de la journée. Okay. Puis au contraire, le moment le plus chaud de la journée, c'est vers 3 heures d'après-midi, toujours. Okay. Juste après que le soleil commence à redescendre, qu'on ait eu le maximum d'énergie, puis là, ça se ressemble. Donc, ça a du sens, ça. Ouais. Ça a bien du sens. En plein air, il faut en prendre vraiment en compte, surtout en camping d'hiver ou dès qu'on sort en hiver, quand on veut faire des longues sorties, ben, pour maximiser l'utilisation de la fenêtre la plus chaude dans la journée, Faut vraiment que tu tiennes compte de l'heure de lever du coucher de soleil pour calculer un peu cette espèce de petite courbe-là. C'est assez important au point de vue météo. Ouais. Puis l'affaire aussi avec nous autres au Québec, c'est qu'on est situé une place à la planète qui est un petit peu spéciale. Hein? Parce que il y a deux semaines, il faisait très, très chaud. En début mars, on a eu vraiment des grosses chaleurs. Il faisait au-dessus de zéro. On fait quasiment dans tes chutes dehors. On était très, très confortable. Et là, deux semaines plus tard, on retourne dans les moins 20. Hein? Mais c'est quelque chose qu'il faut penser aussi. Parce que nous, où est-ce qu'on est situé au Québec? On est vraiment sur une mince ligne qui est comme une espèce de place où il y a deux grosses masses d'air qui se chevauchent. Fait que t'as la grosse masse d'air super froide qui reste toujours au pôle Nord, sur le sud de la planète. Donc, c'est vraiment qui fait tout le pôle Nord, puis qui descend, des fois qui remonte, qui bouge beaucoup. Puis t'as une grosse masse d'air plus chaude qui est vraiment entre l'équateur, il fait très, très chaud, puis ici. Puis ces deux grosses masses d'air-là, par rapport à plein de facteurs, ils vont bouger, puis ils vont chevaucher, ils vont s'alterner. Ça va faire des bébés masses d'air, ça? C'est ça. C'est en plein ça, quand ils se chevauchent. Ouais. Ouais. Effectivement, on peut voir ça comme ça. Mais ça fait aussi qu'on a des variations de température qui sont très, très, très brusques sur des courtes périodes de temps ici. Faut planifier ça un petit peu. C'est sûr que Météo Média est toujours là pour vraiment nous aider à... Ouais. Mais ils sont jamais super, super efficaces à long terme. Moi, je m'y fie jamais parce que c'est rarement vrai, je trouve, il me semble. Moi, chaque fois que j'ai écouté ça, c'était comme, OK, c'est pas ça qui s'est passé du tout. Mais bon. Il faut que tu prennes ça avec des nuances. Ouais. Si tu annonces 15 cm de neige, ça peut que ça soit pas exactement ça, mais tu peux t'attendre à ce qu'il y ait de la neige. Ouais. Exactement. Il y en a eu. C'est ça. C'est faire des prévisions météo locales, donc par rapport à un petit milieu, avec une observation qu'on fait à l'extérieur directement, ça, c'est beaucoup plus facile à faire qu'à grande échelle. Parce qu'eux autres, non seulement il faut qu'ils prévoient qu'est-ce qui s'en vient, mettons, dans les prochaines heures, ce que nous, on arrive à faire relativement facilement avec des nuages qu'on regarde puis la météo qu'on peut essayer d'interpréter. Eux autres, il faut qu'ils devinent où est-ce que ces masses d'air-là vont bouger. Puis il y a tellement de facteurs qui rentrent en ligne de compte là-dedans que c'est très, très dur à prédire. Mmh. Et eux autres, souvent, qu'est-ce qu'ils vont voir, c'est... Eux autres, ils jouent beaucoup avec la pression. Hein, de la haute pression, de la basse pression. Mais de la basse pression, ça fait de la pluie. De la haute pression, ça fait du beau temps. Puis c'est des gros systèmes comme ça qui se déplacent. Puis là, il faut qu'ils prévoient où est-ce qu'ils vont aller. Par rapport à où est-ce qu'on est, ça fait la météo. C'est toujours super facile. Ça a l'air niaiseux aussi, mais ça dépend de où la station météorologique est placée. Parce que si on regarde par chez nous en Gaspésie, la station météorologique était sur le bord du fleuve. Fait que si toi, t'es plus loin des terres un peu, ça n'a absolument rien à voir avec la température qui fait sur le bord de l'eau. Fait que déjà, le contraste peut être énorme, ben, énorme. Dépendamment. Ça, c'est vrai pour les températures en temps réel. Donc, si tu regardes la météo, puis ce matin, il fait telle température, tel degré Celsius, ça, ouais. C'est vrai. Par contre, pour les prévisions, c'est pas basé sur quelques petites stations, c'est basé sur des observations à très, très grande échelle. Donc, il y a beaucoup de petits points sur au Québec et au Canada. Il y a beaucoup de micro-stations qui sont réparties pour faire des observations. Mais il y a des micro-climats aussi. Oui, il y a des micro-climats aussi. Oui, il y a beaucoup d'affaires qui jouent comme ça. Mais c'est gros. Mais toutes ces petites stations-là ne vont pas transmettre des données pour la météo en temps réel qu'on voit. Bon, il pleut, on a eu temps ou il fait telle température. Mais ils vont calculer les variations de pression. Fait qu'on a vraiment un réseau qui est très, très, très, très, très large au Canada par rapport à ça. Fait que pour la pression, c'est un petit peu différent, mais c'est vrai qu'il faut faire attention. Puis ça ne veut pas dire que, effectivement, les microclimats, c'est tout ce qui est par rapport à la topographie ou à la surface, on dit projet de l'eau, en plein ça, Monts et Vallées, exactement. Fait que ça joue beaucoup. Il faut tout prendre ça en compte quand on fait du plein air, parce que quand on va dehors, en fait, nous autres, il y a un vieux dicton que tout le monde se répète en plein air, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise température, il y a juste du monde mal habillé. Du mauvais monde. C'est pas du mauvais monde, c'est vraiment parce que du bon monde peuvent mal s'habiller parce qu'ils ont mal interprété ou ils n'ont pas pensé aller voir ce qu'ils allaient faire. Ils ont juste ouvert leur iPhone avec l'application météo par défaut, puis ça marche pas. Il n'a pas vu qu'il était encore à Calgary, ça fait que ils n'ont pas adapté ça ici. Fait qu'il faut vraiment prendre ça en compte, puis faut apprendre justement à planifier, prévoir. Donc, on peut avoir plusieurs alternatives de vêtements quand on va dehors, mais aussi penser au fait que ça peut changer brusquement comme ça. Puis, quelques petits facteurs qu'on peut toujours voir nous-mêmes, faut peut-être en apprendre un peu pour pouvoir interpréter nous-mêmes la météo à l'extérieur. Comme si Mathieu, toi, tu regardes même la météo. Non. Si t'as pas besoin de savoir qu'est-ce qu'il va faire dans 4 heures, je vais m'adapter, tu sais. En plein ça, tu vas y aller. Mais si, avec quelques observations vraiment vite fait dehors, on peut quand même s'attendre à. On peut dire qu'est-ce qu'on regarde dehors, c'est vrai pour les prochaines 4 heures. Pas 4 heures. Ou si c'est des changements, ça peut être utile. OK. C'est bon ça. Puis l'autre chose qui est vraiment utile, c'est les sortes de nuages à différencier. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils sont visuellement difficiles à expliquer, j'imagine, à l'oral. Oui, un petit peu. Je pense qu'on peut vraiment en faire avec les 3 grandes familles qui sont assez faciles à faire à l'oral. Les gros noirs. Les gros noirs. Mettons la 4e famille, les gros noirs. Ça va faire mal. Puis hors contexte, juste mettons, je coupe ça pour les meilleurs. Ah non. il faudrait pas. Tu sais qu'il va le faire. Ça coule de partout. Ça s'annonce mal. Ça mouille, puis c'est ça, les gros nuages sont très, très foncés, c'est qu'ils sont très, très, très épais. Puis quand ils sont épais, souvent, ils sont très chargés d'humidité ou très, très. Donc, c'est là qu'il y a de la pluie. Mais souvent, ça arrive juste l'été, les orages, par contre. Ouais. C'est vrai que c'est assez rare l'hiver. Mais on peut vraiment différencier les nuages en 3 grandes, grandes, grandes familles. Les cumulus, qui sont les boules de watt. Tout ce qui a l'air motonneux. Là, on a le goût de se coucher dedans. En plein ça. Des fois, ils ont l'air d'être très, très bas. Des fois, ils ont l'air d'être beaucoup plus haut dans le ciel parce qu'il y a différents étages et peut-être différentes altitudes aussi. Napolitaine aussi, j'imagine que ça. Napolitaine, effectivement. Ça, c'est ça qu'ils sont arrangés. T'en as une rose, une noire et une blanche. ça s'appelle comme ça. Très cool. Dès que ça a l'air de la watt des motons, puis qu'ils sont pas. Sont toutes en petits motons, chacun le bord. Ouais. Toutes séparées. Ça, c'est des nuages de beau temps. C'est la condensation. C'est de l'eau qui s'évapore, qui monte, qui se condense dans le ciel, qui fait des nuages. Faut quand même dire full disclosure. On n'a pas le choix de dire. C'est son commanditaire ici. Donc, faut le dire beau temps, puis dire. Des fois, ça pourrait avoir l'air d'un conflit d'intérêt. Mais continue. Excellent. C'est bon. Mais ça, comme ils sont en train de se former, c'est qu'il fait beau, c'est qu'il fait chaud. Donc, des petits nuages, tous séparés comme ça, soit c'est signe de beau temps. Quand le ciel est recouvert plus uniformément, ça peut être une strate, c'est des stratus, c'est des nuages qui s'étalent à l'horizontale. Eux sont pas comme un star stratus, fait qu'on n'a pas besoin de. Non, c'est ça. Faut surtout pas les associer avec le stratos, qui est le commentateur de l'eau. C'est ça. Qui est c'est compétiteur, hein. Stratus, c'est vraiment les nuages, bien entendu. On est rendu un stade plus loin, donc on sait souvent que ça apporte du mauvais temps. Donc si vous serez dehors, puis c'est couvert, ou c'est quand même couvert à 50%, mettons, puis ça a l'air d'un gros voile, mais là, c'est quand même du mauvais temps. La dernière sorte qu'on voit, c'est vraiment des cheveux dans le ciel, des filaments. Mm-hmm. Ces nuages sont très, très, très, très hauts. C'est des cirrus, donc c'est des cristaux de glace. Et ça annonce du beau temps. Parce que c'est vrai. Donc c'est vraiment cette espèce de 3 étages de nuages. Les deux, les motons puis les longs cheveux, c'est du beau temps. Puis dès qu'on a. Dès que c'est plus uniforme, ça annonce du mauvais temps. Et ça se décrit bien finalement. Oui, quand même. Tu nous as très bien expliqué ça. Ben, on peut vulgariser un peu. C'est beaucoup plus complexe que ça. Mais si on se fie à ça, c'est quand même assez facile. Oui. C'est tout? Oui. Oh, OK. Caroline. C'était sec un peu. C'était bref ce matin, effectivement. C'était droit au but. Ouais, ben en tout cas, on peut quand même enchaîner avec le fait que ces petites prévisions-là, c'est toujours vrai pour vous. Il faut toujours, encore une fois, quand on sort dehors ou quand on planifie une activité, prévoir ces choses à l'avance, mais c'est dur de faire les prévisions pendant deux semaines. Fait que oui, il faut se fier aux prévisions météo. Mais sur les sites de Météo Média, en fait, tous les sites de météorologie, on peut toujours aller voir les cartes aussi. Au lieu d'aller voir juste les petits tableaux, les analyser soi-même. Oui, finalement. On peut essayer. C'est assez complexe. Là, si on tourne dans les cartes de pression, c'est ça, ça a l'air d'une vraie pizza où on ne reconnaît plus les ingrédients. Mais si vous allez voir les cartes, de, juste les cartes schématiques ou ce qui vont vraiment schématiser qu'est-ce qui s'en vient, on voit toujours, puis ça, des fois, on le voit à la télé aussi, ils vont nous les montrer. On voit, bon, une espèce de grosse ligne qui traverse le Canada d'ouest en est. Ouais. On a toujours le jet stream, qui sont les gros vents dominants qui poussent tout de l'ouest vers ici. C'est pour ça que le mauvais temps n'arrive jamais de l'est, mais toujours de l'ouest. Puis on voit des lettres. On voit un D rouge, puis un gros A bleu qui se promène. Mais ça, c'est vos systèmes de pression. Ça, c'est vos systèmes de haute et de basse pression. Le D, c'est une dépression. Donc, c'est la basse pression. C'est là que les nuages vont se former. Puis le A, c'est un anticyclone. Ça, c'est un centre de haute pression. C'est là que les nuages ne se formeront pas. Donc, le beau temps. Je connais les mots, mais je ne sais pas ce que ça donne. C'est par rapport au sens où le vent tourne autour. C'est drôle à dire, mais dans un centre de basse pression, OK, les donc vents... l'anticyclone, ça tourne dans le sens anticyclone. Horaire. Ça se mélange. La dépression tourne dans le sens anti-horaire, puis l'anticyclone dans le sens horaire. Mais les vents ne tournent pas dans le même sens. Ça, c'est compliqué. Là. C'est un peu pour la même raison pour laquelle, quand on flush à la toilette, l'eau tourne toujours dans le même sens. Oui, oui, oui. Bien, ça, c'est la force de Coriolis. C'est l'influence de la Terre qui tourne sur elle-même, sur les fluides, okay. Sur la surface. Bien, avec cette direction de vent-là, ça c'est juste que, comme l'air ne va pas dans la même direction dans les deux systèmes, mais elle ne tourne pas dans le même sens. Mais. Ça, ces systèmes-là se chevauchent tout le temps. Fait que si vous voyez que sur la carte, il y a un gros A au-dessus d'où est-ce que nous on est, en ce moment, il y a du beau temps, on peut présupposer qu'il y a du beau temps qui va s'en venir parce que ces systèmes-là se succèdent. Okay. Ah. On peut les interpréter comme ça par nous-mêmes aussi. Ouch, OK, là, j'ai mal au cerveau un peu. Là. C'est beaucoup d'informations, oui. Hein, c'est ça. Mais toujours pertinent et toujours par le club plein air QTR, cette information-là qu'on absolument. Les reçoit. Où est-ce qu'on se renseigne pour les activités à venir? Toujours sur la page Facebook de Club plein air QTR. Okay. Donc, QT apostrophe AIR sur Facebook. On est toujours là, on est assez actif. Vous pouvez aussi nous écrire par courriel, donc qtair@hotmail.fr. Ne vous fiez pas, s'il vous plaît, à l'adresse courriel qui est écrite dans l'agenda, parce qu'elle n'est pas bonne à chaque fois. Ils sont pas très bons dans les copier-coller à l'AGE. Hein? Et activité à venir? Oui, il y en a qui vont s'en venir. On avait une activité de ski de fond, mais on n'a pas assez d'inscriptions, malheureusement. Il faut la reporter, mais elle n'est pas annulée, elle est reportée. OK, absolument, donc, ça va bien, les inscriptions au club plein air. Oui, quand même, absolument. À cette session-ci, on a quand même pas mal d'inscriptions, pas mal de participation. Beaucoup, pas mal de 50% de étudiants étrangers, je pense qu'ils veulent découvrir. Le Québec, peu autre que la ville, c'est très très bien, mais on a quand même beaucoup de gens aussi de ici. Il va y avoir justement l'activité de ski de fond qu'on va reporter. Et on fait toujours une classique activité d'avant fin de session, donc début avril, juste avant le gros rush de fin de session, on va faire une petite sortie d'escalade intérieure avec initiation pour les gens qui veulent nous suivre. Donc c'est toujours, on a toujours des rabais par rapport au prix régulier avec notre maigre budget écutaire. Hein? Et vous pouvez toujours nous vous inscrire, c'est ouvert à tous. Génial. Mais ça, le ski de fond, c'était reporté, je pense, c'était fin avril, début mai, c'est ça? C'était le 11 mars. Mais non, puis on va le reporter plus tard, au mois de mars. Donc, OK, OK. Il faut encore qu'il y ait de la neige, ça serait plus facile. Un ski de fond de printemps, c'est dans moins facile. Ouais. Doit se faire. Faut-tu faire des jambes un peu? Ça là. Se fait, si tu ne tiens pas trop à tes skis. Jean-Antoine Rioux du Club plein air UQTR, merci beaucoup. Merci à vous, bonne journée. Bonne journée. On écoute une pièce de Summerland, tiens, tant qu'à rester dans la thématique de la météorologie, voici juste un peu trop. Et après ça, c'est Crackpot TV avec Frédéric Bernard à Assemblage Rock. Tu as reconnu la couleur, ta mi-veine, ta. je t'aime, juste un peu trop. Summerland et la pièce juste un peu trop sur l'album 2012, mais qui, oui, date de 2015. Au retour, c'est Crackpot TV avec Frédéric Bernard. Et après ça, c'est les entrevues des candidats aux élections de l'AGE. D'accord? Ouais. Pas les mêmes? Pas les mêmes. Ah, c'est pour ça, faut être là. Il va rester une autre collègue après. C'est, on est à moitié, mi-chemin. Point de sauvegarde. Fou de spectacle. Vous êtes dans la zone 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Vous êtes toujours à Assemblage requis, émission matinale en pièces détachées en ce mercredi 18 mars. Elle est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Et il est avec nous, enfin, pour pouvoir parler de télévision avec nous autres, parce que ça nous manque de parler de TV, puis je pense qu'on va pouvoir même... En tout cas, moi, je vais pouvoir lui raconter qu'est-ce que j'ai regardé comme série cette semaine. Voici Frédéric Bernard et Crackpot TV. Ben bon matin, Mathieu. Qu'est-ce que t'as écouté? Qu'est-ce que j'ai écouté? J'ai écouté The Nick. Ah, tu l'as écouté? J'ai trippé des bulles tellement c'était bon. Pour vrai, c'est malade comme série. J'ai envie de la réécouter, de l'écouter une deuxième fois finalement. Wow! À chaque épisode, je me dis, il se passe absolument rien. Dans... Mais c'était une des meilleures heures que j'ai vécues jusqu'à maintenant. Fait que c'est 10 heures, c'est des 47 à 55 minutes dépendant de l'épisode. Puis j'ai vu ça en deux soirs. Ça s'écoute tout seul. Ouais. Le docteur Thackeray, le docteur drogué, qui ressemble au docteur House, comme on a dit, est tellement attachant, tellement un génie de la médecine. Tous les personnages sont vraiment intéressants là-dedans. J'ai adoré ça. En gros, là, c'était à écouter de Nick K-N-I-C-K, la collègue que tu nous as prononcée, proposée la semaine passée. C'est la première série que t'écoutes depuis que... Ouais. C'est la première qui t'a vraiment comme... Ben, je l'écoutais avec une okay. amie, et puis c'est la première qui nous rejoignait les deux. On s'est dit, on va l'écouter en premier. mais, tu sais, on va graduellement rattraper, j'imagine, le rythme. Mais, comme on dit à chaque fois, une chronique par semaine, c'est dur sur la... Oui, oui, non, ben c'est ça. C'est puis ça. Surtout, mais aujourd'hui, on va être doux. Je vous propose une série de vidéos qui dure parfois entre... 3 à 50 minutes. Ah, ben c'est large comme inventaire. Ben ouais. Ça, c'est large, hein? C'est intriguant. c'est bizarre même comme variation. Donc, dans le fond, c'est un petit spécial que je me fais aujourd'hui. Fait que je me demandais si c'était... au début, j'étais dans la grosse réflexion à savoir si c'était une série télé en tant que telle. Mais c'est plus des séries de vidéos. Ben, moi, je pense qu'avec le temps, et ça devrait venir très, très bientôt, d'après moi, la différenciation entre série télé et web-série va complètement disparaître. Parce que, c'est comme ça. Stéphanie dit, à chaque fois que je lui dis la série est sur Netflix, elle me dit « mais je m'entends parce que c'est pas important. Même moi, je trouve que c'est important, les réseaux, parce que ça dit si la série va durer longtemps, si ça a un grand budget ou si c'est boboche. Tu sais. Pour moi, le réseau, c'est important. Mais pour le grand public, je pense que le réseau, la place de provenance, ça importe pas. Fait qu'à un moment donné, une série web, ça va être juste une série. Sauf que ça donne à être diffusé sur le web par en premier lieu. Ouais, mais faut pas que tu t'arrêtes au budget ou, tu sais, faut que tu te concentres sur l'idée, puis le reste, ça devrait pas nécessairement être un critère de décision. Je comprends. Parce que tu peux te bloquer des trucs qui pourraient être super bons. Là. Moi, je le fais pas, mais je comprends ceux qui pourraient être bloqués. T'sais, mettons, on a peut-être des préjugés, par exemple, mettons aux séries sur sci-fi. Souvent, les séries sur sci-fi sont à petit budget et à petit concept, un petit peu boboche, mais il y a des bonnes séries. Que tu m'as déjà mentionné que tu écoutais sur sci-fi, c'est bon. Non, j'ai arrêté de l'écouter parce que c'était vraiment en place. Ça revient un petit peu à ça. Ou une série sur HBO, tu vas s'attendre? C'était Defiance. Defiance, c'est ça. Ah, c'était vraiment en place. J'ai décroché totalement. J'ai pas jeté un œil encore. Mais on avait commencé à écouter, puis là, à un moment donné, j'étais comme, crime, je comprends pas trop ce qui se passe. Il me semble qu'il se passe rien. Là, tu arrêtes de l'écouter pour un certain temps, puis quand t'as juste pas le goût de revenir, c'est parce que ça t'a pas. Celle qui m'a fait ça dernièrement, c'est Monsieur Selfridge. Ah ouais, je sais pas si vous. On est en train de la diffuser, là, justement, Radio-Canada, mais on dirait qu'ils ont mal parti les premiers épisodes. Ah. Puis ça m'a fait la même chose. J'ai arrêté, puis finalement, j'ai pas repris. Une série sur un vendeur de frigidaire, on va se le dire. Selfridge. Mais sinon, c'est HBO ou AMC, ça va être des séries de classe, mettons Mad Men, Walking Dead, des trucs comme ça. Fox, c'est que ça va être retiré après deux semaines. T'sais, pour moi, le réseau a quand même, je trouve, une certaine part d'importance. Mais bon, pour en revenir au sujet d'aujourd'hui, c'est une série de capsules web, c'est bien ce que je comprends. Oui, et le diffuseur, c'est tout simplement YouTube. Alors, c'est déjà. Dis-moi en plus sur ce YouTube dont tu parles. YouTube, c'est un site internet sur lequel il y a différentes vidéos. Ici, c'est déjà, alors, il y a une mode très. Qui commence à gagner en popularité qui s'appelle des YouTube. Bon, ben, je sais qu'en France, on les appelle entre autres des YouTubers. Aux États-Unis aussi. Alors, cette mode-là des YouTubers, c'est des gens qui décident de faire des vidéos par eux-mêmes. Ouais. Parfois, c'est très boboche. Oui. Parfois, c'est bon. Ça manque un peu de finition, mais c'est bon. Et parfois, c'est assez impressionnant. Quand ils se donnent, ils se donnent. Oui. Quand ça commence à avoir du succès et l'argent commence à entrer, c'est plus facile de s'acheter les bons équipements. Mais aujourd'hui, c'est ça. Je vais vous parler de vidéos qui ont du succès, que la qualité égale celle de séries télé. Oui. Alors, au niveau de la présentation, bon, peut-être... Tout égale le format d'une série télé. Mm-hmm. Au niveau de la finition, il y a une grosse équipe qui sont en arrière de certains de ces YouTubers-là. Et vraiment, c'est des vidéos qui sont réguliers. Alors, c'est pour ça que je l'ai entré dans les séries télé. Parce que c'est des vidéos qui sortent régulièrement. Pas nécessairement qui ont un certain mardi à 20h, mais tu sais, au moins, c'est une fois par semaine. C'est ça. Une fois par semaine. On en a un que lui, c'est un peu plus décalé. On va l'avoir peut-être plus aux 3 mois. Okay. De ce que j'ai vu, on était vraiment aux 3 mois qu'il va sortir des vidéos. Mm-hmm. Donc, vraiment, j'étais dans le concept de série à ce niveau-là. Et entre autres, il y en a une que je voulais absolument parler, que je voulais essayer de donner un petit coup de pouce parce que je trouve que c'est. À chaque fois que je la présente à des gens, le monde sont impressionnés par cette série-là. Et pourtant, quand on regarde le nombre de vues, c'est pas aussi faramineux que d'autres. Là. Ouais. Et il y a un gros travail qui est fait en arrière de ça. Et je commence par elle, justement. Alors, on va se déplacer beaucoup. France, États-Unis, c'est beaucoup eux autres que je regardais. Je m'excuse en partant. Si vous en avez, je vais peut-être en refaire un autre. Oui. Ou je vais regarder au niveau du Québec plus. Au Québec, ça n'a pas l'air, les web télé, à être aussi répandu qu'ailleurs. Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est plus la web télé, justement, et moins le YouTuber. Alors, la différence étant que la web télé, on a un sketch... Justement, alors en audition avec Simon, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, qui était diffusé sur Tout TV, on a plus un sketch qui est une série, on veut vraiment faire la web série. Alors ça, on va avoir ça tous les mardis. Alors ça se rapproche plus de la série télé. Un YouTuber, c'est plus quelqu'un qui parle devant sa caméra avec un montage habituellement. Là, exactement. En fait, on peut garder le syndrome du montage et de quelqu'un qui parle d'un sujet. Ouais. Bref, je suis un salaud, j'aurais plus dû parler de web série parce que ça se rapproche plus de mon sujet, mais j'ai pas décidé. Une autre fois. Donc, aime ça. Les variations de concept, c'est bien que j'aime ça. Ben oui. Alors, la série que je veux vous parler, alors la première, alors j'en ai différentes, j'en ai 6 au total. Je sais pas si on les fait toutes, mais je vais en parler. Au pire, je lâcherai un bref mot sur les suivantes. Parfait. La première, ça s'appelle « Data Gueule ». OK. Alors, « Data Gueule ». Data comme des données. Data comme des données, gueule comme ben gueule. Comme gueule, hein? Alors... Et ça représente assez bien ce que ça veut être. Alors, diffusé sur YouTube, c'est là depuis 2014. On a déjà à peu près une trentaine de vidéos. Des vidéos qui durent entre 6 à 8 minutes, des fois un peu plus courtes. Les premières vidéos, des fois, durent à peu près 4 minutes. Alors, on approche des fois le 10 minutes, mais on le dépasse pas avec cette série-là. c'est Julien Gotz qui a eu l'idée originale de ça. Et dans le fond, j'ai écrit un résumé pour chacun d'entre eux. À écrire un texte à chacun. Oui, à chacun. Sont des courts textes. C'est vraiment des plus courts résumés, mais j'en ai fait un pour chacun. Alors, j'y vais pour Data Gueule, puis je vous en parle un peu plus ensuite. Alors, notre monde est un casse-tête qui ne demande qu'à être assemblé. Chaque jour, des milliers de dollars se perdent, des milliers de gens sont floués, des milliers de tabous établis. Data Gueule propose de démystifier ces tabous. Chaque vidéo présente ce qui nous échappe sur différents sujets, nous ouvre les yeux sur d'importantes crises que notre monde subit et lève le voile sur des injustices trop souvent ignorées. Appuyé de statistiques et d'un visuel léché, Data Gueule change notre vision du monde moderne en ne passant pas par quatre chemins. Alors Data Gueule, c'est vraiment, quand je vous dis le titre dit ce qu'il y a à dire, c'est vraiment la vidéo qu'on écoute et qui nous rentre dedans. Ouais. Alors qu'après ça, on fait... OK, oui, je l'avais pas vu sur cet angle-là. Je pensais pas que c'était si grave que ça. Il y en a une, entre autres, sur les poissons, alors qu'il parle de la surpêche. On a tout entendu parler de la surpêche. Mm-hmm. Mais ici, on va un peu plus loin avec des statistiques. Et quand on a fini d'écouter cette vidéo-là, ça nous rentre vraiment dedans. On fait, OK, oui, non, vraiment, il y a un gros problème de surpêche. Il y a quelque chose qui est complètement illogique. On tourne en rond là-dedans. On cherche des solutions, mais les solutions créent plus de surpêche. C'est entre autres, je donne un exemple. Là-dedans, j'ai appris que des bassins artificiels qui vont être créés pour pêcher du poisson, pour essayer de transférer finalement, que ce soit des poissons d'élevage qu'on va faire finalement, comme on fait avec les vaches, les cochons, au lieu d'aller directement dans la mer, ben, ces poissons-là sont nourris avec de la farine d'autres poissons qui sont pêchés dans la mer. Voyez-vous le cirque? Et le cycle, excusez-moi. Et c'est tout le temps des vidéos qui nous présentent ce genre d'informations-là. Alors, des informations un peu que peut-être il faut être un petit peu plus spécialiste pour connaître ça. Il y en a une, entre autres, sur le sucre. Alors, mon Dieu, à chaque fois maintenant que je les regarde mes doses de sucre... Il y en a une sur les abeilles, il y en a une sur la marijuana, sur le piratage. Alors vraiment, c'est différent, comment qu'on pourrait dire, pas polémique, mais... Un peu pour te faire remettre en question certaines affaires. Ça fait un petit peu documentaire, peut-être. Ça se rapproche vraiment beaucoup, là. C'est combien de temps environ? Des 5 minutes? On va varier entre 4 à 8 minutes, okay. Je vous dirais, là. Des fois, je pense qu'il y en a une de 9 minutes, là, mais c'est vraiment... On va rester en bas du 10 minutes, là. Okay. Le visuel. Juste pour le visuel, les gens qui sont fans de montage vidéo, faut regarder ça, c'est une claque juste au niveau du visuel. Alors tout est monté comme si c'était un casse-tête justement. Okay. Alors tout est fabriqué, la caméra se promène d'un point à l'autre pour nous montrer. C'est vraiment, c'est dur à expliquer. vraiment pour nous montrer chaque partie finalement des enjeux de leur thème principal pour chaque vidéo. Et vraiment assez coloré, on reste dans le mot, vraiment on nous montre chacun des enjeux et à la fin, tous les personnages qui ont participé à ces enjeux-là forment une grande mosaïque finalement pour montrer par exemple, un poisson pour la vidéo sur le poisson, nous montrer une ruche pour la vidéo sur les abeilles. Ouais. Alors c'est vraiment impressionnant comment c'est fait juste au niveau du montage, c'est vraiment léché, c'est vraiment bien fait là. Génial, tu me donnes envie de ta gueule la première. Ouais, vraiment. Vraiment bon. Ça s'écoute facilement. Les gens à qui je l'ai montré au début, ils faisaient en fait à chaque fois que je le montrais déjà, on avait une discussion sur un sujet par exemple le piratage. J'allais leur montrer la vidéo sur le piratage et là ça remettait en question toutes les idées qu'on pouvait les idées reçues sur le piratage entre autres dedans le piratage j'essaie de vous titiller le plus possible. Alors entre autres dans le sur la vidéo sur le piratage, il apprenait que HBO avait dit merci à tous ceux qui avaient piraté la série Game of Thrones. OK. Alors parce que ça leur avait permis de faire énormément de publicité et ça les avait permis d'augmenter entre autres avait augmenté énormément leur budget et le fait qu'ils puissent revenir justement puisque c'est la série qui a été le plus piratée après les Sopranos. Exactement. Oui. Alors c'est assez impressionnant de voir le revers de la médaille finalement et c'est toujours le revers de la médaille. On va nous montrer un côté et on va nous montrer l'autre. Ce qu'on pense qui est vrai puis finalement ce qui est vrai ou quelque chose comme ça. Oui. Ça pourrait être ça. Le dernier que j'ai écouté que je trouve très intéressant pour le Québec, c'est sur le modèle allemand. Alors, le modèle allemand, qu'est-ce que c'est? Le modèle allemand, c'est la politique allemande en ce moment sur l'économie. Mmh. Alors, en ce moment, on est en période d'austérité. La France aussi vit quelques problèmes au niveau de leur économie, entre autres avec le gouvernement qui est assez de gauche et qui essaye, lui, plus de séparer, mais bon, ils sont pas dans dans une hausse économique, et même les États-Unis qui s'en sortent, là, il y a pas si longtemps, en 2008, là, qu'il y a eu une crise. Un gros crash, je sais pas comment il appelait ça. Ouais, c'est ça. Fermeture de, je sais plus trop. Je me rappelle plus si c'est l'immobilier, je parlerais pas mal mon chapeau, là. Ouais, c'est ça. 2008, c'est si loin. Donc, vraiment, plusieurs pays qui, au niveau de l'économie, on essaie de s'en sortir, on est à tatillon, on essaie de proposer des idées. Et on se compare beaucoup au modèle allemand qui s'en sort très bien. En ce moment, le modèle allemand, malgré qu'il soit dans la zone euro, sont capables de traîner les Grecs avec eux qui vivent un crash, alors qui ont un gros déficit, ils sont capables de les traîner, de les soutenir avec leur modèle, et ils font encore des bénéfices. Comment c'est possible? Alors, ils nous montrent justement ce modèle-là, ils nous l'expliquent, et ils nous montrent le revers de la médaille qui peut être assez coûteux, qui est assez... Bref, je vous laisse regarder cette vidéo-là et vous faire votre propre idée de si on veut vraiment prendre le modèle allemand. Ouais, mais justement, tu as utilisé le mot « bref » qui a eu un énorme succès comme web télé, comme web série. Exactement, pourquoi ouais. Est-ce que celle-là n'aurait pas de succès autant dans ta gueule? Ça. Ouais, mais dans ta gueule, c'est ça. Les vidéos sont très bien faites. Oui, il y a une certaine. Il commence à avoir un certain engouement dessus. Il y a une énorme équipe en arrière de ça. Je pense qu'il y a France 3, qui est un énorme diffuseur en France, qui est en arrière de ça, qui finance ça. Donc, d'où le côté très professionnel c'est de ces vidéos-là. Ils ont peut-être même prêté un monteur, je sais pas. Oui, ben, c'est ça. Et chaque personne à qui j'ai montré cette vidéo-là, c'est ça que je voulais dire un peu plus tôt, en ont écouté 2, 3, 4, 5. Ensuite, pour finalement, je l'ai montré à une personne, on les a toutes enchaînées. Là, j'ai le nombre total environ, combien il y en a? De vidéos? Ouais. On en a 30 vidéos. 30, là. Okay. Autour d'une trentaine, je pense qu'il y en a. Ouais, il y en a autour d'une trentaine. Ça s'écoute bien en quelques heures à peine. Oui, c'est ça. En une heure, ça s'écoute assez bien, je vous dirais, même s'il y a une trentaine de vidéos, parce que les premières sont très courtes. Il y en a certaines qui sont beaucoup plus longues que d'autres. Mais c'est ça, il y en a certaines qui sont très courtes. On va souvent parler de Monsanto. Alors, c'est qui Monsanto? Alors, grand particulier aux États-Unis qui contrôle le secteur agronome. Alors, c'est les lui, insecticides et tout. Les insecticides, tout. C'est lui, entre autres, qui a stérilisé les graines qu'on plante dans nos jardins. Okay. Alors, qui a trouvé une technologie pour stériliser ces graines-là et qui fait en sorte qu'il n'y a plus de pollen ou presque et que les plantes, sans nous, sont... de moins en moins capable de se reproduire. Mmh. Donc, c'est plein de vidéos qui nous donnent des informations comme ça, appuyées de statistiques, appuyées de faits. Chose intéressante aussi, si vous allez poser des questions, il y en a beaucoup qui posent des questions sur le YouTube. Forum de discussion. Parce que oui, c'est ça, c'est le genre de vidéo qui crée des questions, qui crée un engouement, qui crée un questionnement de « oui, OK, maintenant on en a conscience, qu'est-ce qu'on peut faire? » L'équipe technique qui est en arrière de DataGuel prenne le temps de répondre à ces questions-là et c'est très apprécié. Mmh. Alors, génial. C'était pour DataGuel. DataGuel. Alors, j'ai mis une petite note vraiment rapide au crayon de plomb. Donc, c'est 9 sur 10 pour les Allemands, non? Non. Donc, je vais passer. Alors, en fait, ça va être dans ce genre-là que je vais faire aujourd'hui. Alors, vraiment, une brève présentation. Et ensuite, la note. Pas de positif, négatif. On va y aller vraiment direct à la note. Pour moi, c'est un bulldozer. Ah oui. Alors, c'est vraiment... On écoute ça. Il y a du budget là-dedans. Et ça frappe. Ça nous rentre dedans. C'est très efficace. Bulldozer. Tata gueule. Alors, ma prochaine série, ça s'appelle Axolot. Axolot. Okay. Axolot, c'est un petit animal. Alors, c'est des fonds marins. Tu peux le taper sur Google pour voir de quoi ça a l'air. C'est cute. C'est comment? C'est vraiment cute. Axolot, ça s'écrit A-X-O-L-O-T. OK. Alors, c'est vraiment mignon, je trouve, comme petit animal des profondeurs. Une genre de minuscule, genre de grenouille à drôle de corne. Oui, c'est ça, une espèce de petit lézard, là. Alors, Axolot, mais ça n'a pas rapport avec ce lézard-là. Alors, mais Axolot, en fait, ça représente ce petit animal-là un peu étrange qu'on connaît moins. Alors, ce petit animal qu'on ne sait pas c'est quoi, ça va bien pour, comme surnom, à Patrick Boat, qui produit justement Axolot. Et c'est produit depuis 2013. Court résumé. Axolot explore le monde de l'étrange, que ce soit scientifique ou géographique, il parvient toujours par nous surprendre. Événements historiques et lieux hantés, Axolot se donne un rôle d'explorateur qui nous guide au travers de magnifiques lieux. nous racontant l'histoire de hier qui fait le fantastique d'aujourd'hui. Laissez-vous rêver et peut-être qu'un jour, vous aussi, vous visiterez ces lieux. Alors ici, on sort de Data Gueule. Ici, on recherche vraiment des choses qui sont mystérieuses, qui sont fantastiques, qui suscitent la curiosité. Alors, au niveau scientifique, au niveau des lieux, justement, j'ai parlé des lieux dans le résumé. Entre autres, on va parler de lieux. Il y a une vidéo où il va carrément à New York nous présenter certains lieux. Entre autres, une maison où il y a une porte, mais qu'il n'y a rien en arrière de la porte. Alors, c'est une porte, il y a un numéro, et en arrière, c'est le métro, alors qu'il passe. Il y a un autre... C'est fascinant, ça. J'aime ça. Je vais aller voir ce genre tout de suite. C'est du fascinant. C'est du bonbon. Ça s'écoute bien. Et ça a aussi du budget s'il va à New York et à d'autres endroits dans le monde aussi. C'est... je pense que c'est un professeur. Okay. J'ai essayé de découvrir c'était qui exactement, mais c'est pas facile avec un nom comme Axolotl. Ouais. Puis Patrick Bolt, bon, ben on sait... On commence à voir. C'est quelqu'un qui a énormément de connaissances. Je pense que c'est... Je suis pas mal sûr que c'est un professeur. Il fait lui-même ses propres vidéos, son propre montage. C'est très bien fait, c'est très bien léché, le son est bon. Généralement, c'est ça qu'on va reprocher aux youtubeurs, c'est le son. Le son est très bon et la qualité de vidéo est très bonne aussi. Quand il va à New York, oui, c'est ça. Il va aller à New York pour différentes vidéos, je pense, pour le travail aussi, mais il va en profiter pour faire une vidéo. Entre autres, il va nous montrer aussi une bouche d'égout qui fait du bruit, qui a un haut-parleur en dessous. Okay. C'est que ça tout le long, alors, ce qu'il nous présente. Il va nous aller plus dans le domaine historique aussi, nous présenter une échelle qui se retrouve à Jérusalem, juste à l'entrée d'un lieu de culte. Qui m'échappe et que c'est malheureux que ça m'échappe parce que c'est un lieu de culte assez célèbre de cette échelle-là qui a été posée là et que personne ne veut toucher. Okay. Alors, je vous laisse découvrir pourquoi. Ouais. Cette échelle-là, personne ne veut y toucher, mais elle est là. Et si vous allez à Jérusalem, que vous voyez l'échelle, ne la touchez pas non plus. Okay. Alors, vous risquez de vous faire lapider si vous touchez cette échelle-là, qui est à côté sur le bord d'une fenêtre au troisième étage. Okay. Alors, c'est toutes sortes de choses comme ça. Vous nous présentez des lieux étranges. Alors, l'île aux poupées. Alors, c'est une île sur laquelle il y a plein de poupées qui sont suspendues depuis des années. Il va nous présenter des faits un peu plus scientifiques, entre autres... les scientifiques de ce monde qui se sont... c'est lui qui présente ça? Les scientifiques de ce monde qui se sont sacrifiés, oui. Alors, c'est des scientifiques qui, pour le bien de la science, vont tester des expériences ou tester des choses sur leur propre corps. Okay. Alors, il va nous présenter ça. Alors, c'est toujours dans le domaine du fascinant, dans le domaine du wow, dans le domaine du... OK, c'est étrange, c'est spécial. Entre autres, il y a une île aussi là-dessus qui nous présente des arbres. Les arbres sont oranges, alors c'est vraiment spécial. Mais quand je vous dis orange, c'est orange flash. Ouais. Prenez une orange, c'est comme ça que le tronc est. Là, OK, on passe pas par mille chemins. C'est vraiment fascinant comme petite série. Alors, Axolotl. C'est aussi impressionnant comme résumé que la première. À date, on a deux séries. En tout cas, moi, j'ai deux séries. Oui, vraiment. Axolotl fait à peu près... Il y a 8 vidéos en ce moment. C'est des vidéos qui ne durent pas... dure environ une dizaine de minutes. On en a qui vont aller jusqu'à 15 minutes. That's not a lot. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas ça. Il était pas pire, ça. Non. Ah, c'est correct. Okay. T'as porté une part. 8 vidéos, alors, environ de 10 à 15 minutes. Et lui, c'est plus long, par contre. Alors, lui, c'est lui qu'on va avoir aux 3 mois environ qui va sortir une vidéo. Mm-hmm. Alors que Data Gueule, on est plus aux semaines. Alors, je ne l'ai pas dit, mais Data Gueule, c'est vraiment plus aux semaines qu'on va avoir une vidéo. C'est fascinant aussi, pour revenir là-dessus, qu'il soit capable d'avoir du jus pour chaque semaine. Et Axolotl, on va avoir vraiment une petite différence comme ça. Il va faire beaucoup la promotion aussi de son livre d'Axolotl qui est encore sur l'univers du fascinant et de l'étrange. S'il veut pouvoir se permettre d'autres capsules, je pense qu'il faut qu'il vende son livre. Oui, c'est ça. La plupart de ceux que je vous présente ici, sauf les anglophones... Bon, c'est américain, j'imagine, vont aller sur Tipeee pour se faire financer ou vont vendre certains goodies pour essayer d'améliorer leur matériel, d'améliorer la qualité de leur vidéo. Ouais. Axolotl, c'est un toutou qui représente un animal inconnu. OK. Alors, et non pas un axolotl comme l'animal dont on parlait tantôt. Ah, mais non, mais ça peut être un axolotl comme ça parce que je connaissais pas ça, moi, avant. Tu connaissais pas avant, genre, non, tantôt. Non, c'est ça. Okay. C'est vraiment comme un toutou. On a le goût. C'est le fun à voir. Ça s'écoute bien. C'est du bonbon. Ça demande pas une grande concentration. Ça nous présente pas. Ça veut pas... Ça veut nous éduquer, oui, mais en même temps, c'est dans le fascinant, dans l'étrange, dans le fantastique. Cool. Et un animal inconnu, parce qu'à chaque fois, ben, c'est ça, c'est bizarre. à chaque fois, c'est bizarre ce qu'il nous montre, puis on fait, voyons donc, ça existe. Le prochain. Alors, on se dirige plus du côté américain. Beaucoup de vues. Alors, lui, il est présent depuis 2008. Énormément de vues. Je le présente parce que c'est un de ceux que j'écoute beaucoup, que j'aime beaucoup, puis pour faire changement avec toutes les autres que je vais vous présenter. Alors, ça s'appelle les Unis Thriller. Je sais pas si vous connaissez. Mais répète-moi ça, les Unis Thriller. Je sais pas, même pas si je le prononce correctement. Pas sûr. C'est pas à moi, faut que je vais essayer. Mathieu. T'as un peu. Honest Trailer. Honest Trailer. Ouais, c'est ça. Bande-annonce honnête. Okay. Oui, c'est ça. Ouais, j'aurais dû le dire en français puis dire que ça se dit en anglais. C'est bien grave. Donc, depuis 2008, alors c'est une idée de Andy Sain. Andy Signore, je pense. Oui, c'est ça. Alors, idée originale, alors Honest Trailer, j'y vais tout de suite du résumé. Attention, ceci est coté H pour honnête. Chaque vidéo commence ainsi en annonçant le ton de chacune d'elles. Une ligne, un punch est le barème que s'imposent les créateurs de ces vidéos mordantes qui proposent de parodier les bandes-annonces de films et de jeux vidéo. Vous ne résisterez pas à cet humour décapant aux références multiples. De plus, chaque feuille de vidéo se termine sur l'animateur qui lit vos phrases en direct avec sa superbe voix d'annonceur télé. Tellement. J'en ai regardé plusieurs de ça. Ils font des bandes annonces de jeux vidéo aussi. C'est vraiment super bon. Oui. Et oui, à la fin, le gars, tu vois devant son micro, il y a vraiment une voix d'annonceur de bande annonce. C'est impressionnant ce qu'il fait avec cette voix-là. Il peut lire n'importe quelle vulgarité que vous lui envoyez par YouTube. T'sais. Oui, oui. Je tenais à le présenter surtout pour un peu comme un hommage. Ça fait très longtemps qu'il est là. Et ils se renouvellent encore, ils sont encore capables de surprendre avec leurs vidéos. Toujours sur le même créneau, ils vont prendre une bande-annonce de film, ils vont la présenter, ils vont vraiment la parodier. Dans mes préférés, on a le jeu vidéo Pokémon, parce que c'est assez surprenant ce qu'il fait à la fin. Je sais pas si tu l'as vu. Je crois pas l'avoir vu celui-là. C'est assez. En plus, ça allait bien justement avec la semaine passée, ce qui s'est passé. Oui. La Poké-Luitre, mais c'est vraiment impressionnant ce qu'il fait avec cette vidéo. Frozen. Alors, La Reine des Neiges, pour moi, c'est un des meilleurs aussi. Il y a une parodie de chanson qui est juste à mourir de rire. J'ai beaucoup de difficultés avec les parodies de chansons, personnellement. Mais là, je les ai réécoutées pour les parodies de chansons, tellement ils sont bonnes. Game of Thrones, c'est mourant, celui de Game of Thrones aussi. J'ai fait exprès pour pas le regarder, parce que je veux pas me le faire spoiler. Je fais un spoiler dedans. Il me semble qu'il était Mario Kart ou un autre jeu de course, comme ça, il me semble qu'il était bien drôle, celle-là. Ça fait longtemps. Mais c'est toutes des vidéos qui sont présentées de même, puis oui, tu t'apportes un bon point. Regardez pas ces vidéos-là si vous avez pas vu les films ou les séries, parce que vous allez... La gaffe. Ouais. Faites pas ça. Quand je vous dis des références, c'est que oui, ils les écoutent, puis oui, il y a beaucoup de références dedans, et beaucoup de blagues par rapport... Aux morts au contenu. C'est ça. Tu sais, justement, en tout cas. Non, c'est ça, j'en dis pas plus exact. Parce que, bon, c'est tout sur des vidéos, des films ou des jeux vidéo différents. C'est sûr que ça dit la fin. S'il y a une fin à dire, il va la dire, c'est sûr. Pas mal. Oui, la plupart du temps, oui. J'essaie de me remémorer, spoil assez, il va faire des spoilers assez régulièrement. C'est pour public averti. Oui, et à la fin, c'est ça, il va utiliser sa merveilleuse voix pour lire des commentaires qu'on lui a demandé de lire. Alors, c'est assez drôle aussi, mais ça se veut très drôle. Et c'est très efficace. On a-tu le temps pour un autre? Si on y va à peu près rapidement, oui, un dernier. À peu près. S'il te plaît. Mais tu sais, on s'étendra pas comme sur le premier, mettons. Parfait, je vais finir avec celui. Je vais essayer de faire la promotion, mon dernier. Alors, en bref, ici, on a vraiment un YouTuber aussi, on revient, qui est seul avec sa vidéo. Les qualités, lui, augmentent au fur et à mesure. Alors, si vous allez dans le temps, vous allez voir que la qualité n'est pas la même que ce qui sort maintenant. OK. Il s'appelle Dr. Noseman. Depuis 2011, idée originale Dr. Noseman, pas capable de trouver son nom. Résumé, je vais y aller brièvement. La science fait de drôles de choses parfois. Dr. Noseman nous propose plusieurs tests scientifiques à faire à la maison. Facile, mais toujours fascinant, les débrouillards font pâle figure face à ce scientifique un peu fou qui vous propose, entre autres, de créer un trou noir chez vous. Ah oui? Oui, c'est possible, un trou noir. C'est dans cette optique que vous vous retrouvez à fabriquer votre propre gel pour les cheveux, changer la couleur du lait ou créer votre propre Super Bowl. Toujours avec humour, Dr. Noseman présente de façon rythmée chacune de ses expériences avec brio. Ça a l'air cool, ça aussi! Alors... plus d'une trentaine de vidéos, 5 à 15 minutes. Il a changé un peu de style de vidéo dernièrement. Il présente plus des faits scientifiques, entre autres. Il va présenter les différentes armes chimiques toujours dans le but. Bon, quand ils présentent les armes chimiques, c'est vraiment pour nous montrer il y a quand même un... Ça pourrait être fait avec beaucoup de maladresse de présenter les armes chimiques, mais lui, il nous le présente toujours pour nous montrer le terrible que l'humain est capable de faire avec ces armes-là. Ça peut être pratique. Si tu veux pas faire ton ménage, tu te fais un trou noir. Oui, réglé. Mais le trou noir, c'est ça. Il y a vraiment une vidéo, c'est marqué « Fabriquez votre propre trou noir ». T'es pas sûr, tu cliques dessus et j'ai juste le goût d'en faire un chez nous. Je vous dis pas qu'est-ce que c'est, mais c'est vraiment fascinant de voir comment c'est fait. Il te fait « Wow, OK, c'est si facile, c'est si simple. » Et pourtant, c'est à portée de main pour la décoration, c'est pratique. Et c'est plein de petites vidéos comme ça de science, alors qu'il va nous donner. Son humour, moi, me fait beaucoup rire. Il y a vraiment un humour très particulier, très spécial. C'est pas un humour sanglant, c'est un humour qui est facile, mais c'est son personnage qui veut cet humour-là. Et c'est toujours des présentations de tests scientifiques comme ça qui sont présentées assez rythmées, faciles à écouter. On décroche pas, même si c'est juste pour passer le temps, ça s'écoute très très bien aussi. Wow! Cool! Tu dis pour Honest Thriller, c'était quoi la note? Non, je pense pas que tu avais dit ta note pour... Honest Thriller. Alors, pour Honest Thriller... Honest Thriller. la note, c'est une balle rebondissante, tout simplement, parce que ça rebondit, puis ça fait longtemps que c'est là, puis ça rebondit toujours une grosse balle. Une grosse, hey, c'est assez efficace. C'est important pour le Et pour Dr. Noseman, que j'apprécie beaucoup, que c'est probablement de tous ceux que je vous ai nommés, celui qui est le moins connu, alors que... qui fait le plus de travail tout seul, finalement. Pour lui, c'est une super glue. Alors, c'est fascinant, c'est intriguant. On a le goût de manipuler, on a le goût, bon, de jouer avec ce qu'il nous propose de fabriquer. Les doigts te puent après. Et les doigts... Mon Dieu, si tu verrais certaines vidéos, oui, les doigts doivent te sentir le cafouillis après. Oh, oh! Est-ce que c'est M. Noseman comme dans L'homme au nez ou L'homme aux connaissances? J'imagine que c'est Nose comme oui, les connaissances. Oui, Nose comme... Parce que moi, je le voyais comme un nez. Ah, ça aurait été... Ah, c'est vrai, ben oui. Ouais. Moi aussi, j'y veux un nez. Ouais. Mais c'est tellement logique que ça soit pas ça. Ben, c'est ça. Ça va être sens. À moins qu'il ait le nez sur le sujet, c'est pour vraiment le sentir. Parce qu'il y a du pif. Il y a du pif, voilà. J'enverrai un commentaire, une question pour démystifier cette importante question. S'il te plaît. Donc, on a eu le temps quand même pour 4 séries web ou web-séries ou YouTuber. On va en avoir d'autres une autre fois, un autre moment donné, j'imagine. Peut-être que si j'en trouve d'autres, alors ici, c'était vraiment parce que j'en ai ciblé. Pour être très honnête, le DataGun me tenait vraiment à cœur que je puisse vraiment faire la promotion de cette vidéo-là. C'est parfait, ça. Pour l'idée du contenu, l'idée aussi, le contenu qu'il y a à l'intérieur de cette vidéo. Vidéo-là, et c'est tellement important, je trouve, ce qui nous enseigne là-dedans, ce qui nous donne comme information. On a si peu accès à ce type d'information-là, et les politiciens, oui, vont essayer de cacher un peu avec quoi qu'ils vont travailler, et c'est là qu'on se rend compte que le travail de politiciens, peut-être, ou le travail de ceux qui se battent pour nous, des fois, là, qui se battent des fois peut-être un peu trop pour nous, c'est pas facile. Et c'était vraiment pour faire la promotion du DataGun que je faisais ça et pour me donner un peu plus de jus et en même temps en profiter pour faire la promotion de d'autres et alléger un peu le contenu. Oui, j'ai fait un spécial comme ça cette fois-ci. Je ne sais pas par contre si ça va revenir. Ah, on verra. Moi, je trouve que c'est un succès. Fait que je suis ça de même, Steph. Ah ouais, vraiment. Voilà. Vraiment. Frédéric Bernard, on te retrouve la semaine prochaine, toujours les mercredis à 8h30 pour Crackpot TV. Et on te retrouve aussi à la Luître les lundis soirs à 20h à Chasse-Galerie. Oui, c'est ça. Pour savoir, je suis le gars qui gagne les points. Merci Fred. Bonne journée. Bon, maintenant je vais perdre. c'est le jinx qu'on appelle quand tu jinxes les choses. Oui, c'est sûr. Oh mon Dieu, j'aurais pas dû faire ça. Je vais me faire taper ses doigts. Il est trop tard, Fred. au retour, ce sera la suite des entrevues avec les candidats pour les élections de la GEQTR à Assemblée. Restez avec nous. C'est fou. 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. toujours à Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées. Stéphanie Paradis. Mathieu Plante. Oh oui. Ben, on va voir ce qui se passe dans quelques instants. Et je vous avertis tout de suite, si on n'a pas ce qu'on avait de prévu, ça va être la perte de certains seront le gain de d'autres, parce qu'on va faire du sexe, ça devrait répondre là, si on a le temps tout à l'heure. Dans le sens que les désavantages deviennent des avantages. Mais pour l'instant, on écoute The High Dials. Voici un tout nouvel extrait du palmarès anglophone, c'est Yester Graves. C'est fou. Dans vos oreilles. C'était The High Dials et la nouvelle entrée Yester Graves à Assemblage Requis. Et comme on disait tantôt, les inconvénients des uns sont les avantages tellement extrêmes des autres parce qu'on a le temps d'acheter des gadgets aujourd'hui. On pensait pas avoir le temps, on pensait pas avoir le budget, mais il vient d'avoir une entrée. Je pense qu'on a gagné à la loterie. Donc voici si ça existe, ça ne devrait pas, on l'a. Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a, la chronique où on achète des gadgets inutiles sur Internet, Steph. Et on débute avec un gadget, mais particulièrement inutile, qui est en fait même pas un gadget. C'est une sacoche en bloc Lego. Ah, arrête donc, c'est pas inutile, ça! C'est tout à fait utile. Ajoutez un petit peu de couleur et de jeunesse à votre habillement avec un design composé entièrement de briques Lego qui va vous différencier des autres suiveux de mode pour 200$. Pardon? Pour 200$. Quoi? Pour 200$. Vous pourriez sûrement fabriquer la vôtre, mais celle-là a l'avantage d'avoir... D'être déjà fait et d'avoir des blocs Lego qu'on peut ajouter par-dessus pour faire vraiment son propre design. Et tu as vu que les côtés de la sacoche sont aussi en blocs Lego, mais c'est parce que c'est tellement beau! C'est très joli, très particulier, je dirais, comme sacoche. Ensuite, on reste dans le domaine de ce qui est gadget, mais plus de mode ou de beauté de l'environnement. C'est des lumières en forme de fantôme de Pac-Man, mais qui sont sensibles à la luminosité. Donc, assurez-vous de ne jamais rester dans le noir lorsque les lumières sont éteintes. C'est comme des petites veilleuses! Exactement. Avec des lumières Pac-Man en fantôme à côté de votre lit. Donc, ces ennemis-là qui ont changé de bord, qui sont rendus vos amis maintenant et qui vous aident automatiquement en allumant les lumières lorsque le reste est tamisé. Donc, 10$ américains. 10$! 10$! Je suis pas sur le même ordinateur qu'à l'habitude, fait que je peux pas te dire les prix canadiens, malheureusement. Dis-toi que c'est plus cher. Un petit peu plus cher, pas mal. Mais c'est quand même pas si pire, là. Voilà. Comparativement à sa coche. Tout à fait. Ensuite, allons-y avec Warsaw Yannick, on avait déjà fait là-dedans. Ensuite, un four à pizza qui ressemble à une boîte de pizza. OK. OK, ça te tente, ça? Pourquoi pas? Une raison qu'on commande une pizza d'habitude, c'est que il y a une belle boîte de pizza, puis on peut couper dedans directement, mais pas besoin de vaisselle, tu fais juste manger à même la boîte. Je pensais que c'était parce que tu voulais pas la faire. Ou aussi parce que tu veux pas la faire ou parce que tu trouves que les pizzas congelées, ça goûte jamais la bonne affaire. Donc ici, c'est un petit four. OK, non, moi, je parlerais de l'affaire comme pas juste la faire cuire, là, mais l'affaire. La fabriquer avec de la pâte. La fabriquer avec de la pâte et des vrais ingrédients. OK, toi, tu recules vraiment au niveau homemade. Moi, j'étais au niveau de home cooked. C'est ça. Donc, c'est un four avec un élément à 1200 watts. Tu peux amener la température jusqu'à 525 degrés Fahrenheit. Et le truc à l'intérieur peut tourner le plat à l'intérieur. Ça s'assure que la pizza, jusqu'à 12 pouces, soit cuite de tous les côtés. Il y a un minuteur de 30 minutes qui vous permet d'aller faire autre chose et revenir à votre pizza alors qu'elle ne sera pas brûlée. Hein? Donc, une gimmick parce que ça ressemble, c'est une forme de boîte de pizza. Et ça coûte 48$ américains. Mais c'est ça, tu as la belle boîte de pizza sur ton comptoir avec une poignée pour ouvrir le four. Et tu as les boutons en avant pour contrôler la température et des petites lumières pour te dire si c'est prêt ou si t'es prêt à mettre ta pizza dedans. Ah. C'est très bien fait et assez joli. C'est super beau. Puis le petit cuisinier là, sur la boîte de pizza, vraiment une moustache de champion. C'est vrai, une belle moustache blanche. Et tout ça, en plus, avec les avantages d'une boîte de pizza normale, c'est que tu peux manger directement à partir du four si tu veux aussi. T'es sûr? Non. Je pense que ça va te brûler. Ouais, c'est ça. Tu peux pas couper non plus parce que ça va défaire l'assiette. Mais tu pourrais la rouler et la manger comme un... La rouler, un calzone. Comme un cigare, un calzone, un cigare de pizza. Ensuite... Tu fumes. Quelque chose d'utile, encore une fois, ici, c'est un kit de sieste d'urgence, Steph. De sieste d'urgence? Oui. Tu devrais évidemment pour, avoir... Pour les narcoleptiques? Ceux qui tombent endormis sans vraiment le pouvoir contrôler leur sommeil. Donc, on devrait tous avoir un kit de survie au travail, tu sais, pour un bandage, des trucs comme ça. Des trucs pour désinfecter. Je dirais, on devrait avoir ça, mais quand tu veux dormir... T'as aucune façon de faire parce que t'as pas ton kit d'urgence. Et là, si tu te le procurais, le Emergency Nap Kit, tu pourrais dormir n'importe où. C'est un matelas gonflable, longueur complète, donc pour la plupart des adultes. C'est un One Size Fits Most qu'on appelle, donc ça va à la plupart des gens. Ouais. On peut mettre ça dans une bibliothèque à quelque part, dans un tiroir de bureau. Et lorsque l'envie devient irrésistible, on l'ouvre et on fait une sieste impromptue. Évidemment, on se fait regarder par ses collègues de travail, mais c'est vous qui allez rire le dernier. Parce que vous allez pouvoir dormir correctement et remettre votre travail à temps. Ça coûte 45$ américains environ. Mais t'as-tu un genre comme de sleeping bag avec... c'est comme une jaquette sleeping bag? C'est une genre de jaquette sleeping bag, tout à fait. Et puis le matelas est en genre de... Un peu comme quand tu fais livrer un paquet par Amazon, c'est des petites bulles d'air, là, des sacs de bulles d'air. C'est des longues bulles d'air, comme une cartouche d'encre. Comme une cartouche d'encre, bon point. Donc t'étales ça, ça fait évidemment juste la largeur d'une personne typique, mais la longueur complète d'une personne typique aussi. Et ton sac de couchage, j'imagine, te sert un petit peu de couverture. Tu pourrais te servir d'à peu près n'importe quelle couverture en fait en pour une temps. Personne typique, j'imagine. J'imagine. Quand t'es dans les normes du nord américain moyen. Moi, je devrais rentrer en longueur et en largeur. Oui. Toi, en largeur, mais en longueur, je suis pas sûr. OK, merci pour d'avoir dit que la largeur, c'est fait. Arrête, t'es même pas gros. Mais la longueur, t'es grand, par exemple. Ça, c'est vrai. Je te dirais que t'es plus long que oui. La personne typique. L'Américain moyen, je pense, c'est ça, 5 pieds 9, je pense, en moyenne, mettons. Pour les hommes, je pense que oui, quelque chose comme ça. C'est petit, ça, là, en tout cas, pour moi. Je pense que ce serait juste parfait pour faire dormir ton entrejet. Tu vas le dérouler et mettre une matelas. C'est parfait. Il est aussi rempli d'air comme le matelas. D'air? Hein? Blender, un malaxeur qui peut aussi faire des soupes et des sauces, Steph. Ben, on appelle ça un thermomix. Mais pas dans ce cas-ci. Donc, c'est la prochaine innovation dans le monde des malaxeurs. C'est pas un moteur plus puissant, non, mais un élément chauffant. Un éléphant, non. Ah, un éléphant chauffant. Un effet sur le chômage. Donc, c'est la compagnie Three Squares qui nous offre le Superb, mais avec un 3 à la place du E. Donc, Superb, c'est un jeu de mots avec soupe, hein? Mais non, parce que ça fait Trois-Rivières. 3R. Soupe, Trois-Rivières B, Eat and Blend Blender, avec un moteur à 450 watts pour mélanger. Et un élément pour chauffer, en fait, non collant de 800 watts. Tout ça dans le même emballage. Ça permet à l'appareil, non seulement de mettre en purée vos légumes, avec l'action normale de Maxar, mais ensuite de combiner ces légumes-là avec d'autres ingrédients et les réchauffer jusqu'à ce que ça se transforme en soupe ou peu importe l'autre liquide, potage ou peu importe, qui demande à être chauffé. Donc, le pot de stainless steel, acier inoxydable, ne vous permet pas de voir vos concoctions, mais le couvercle sans BPA devrait vous permettre de regarder pour voir la consistance de votre breuvage, soupe, liquide. Ça, c'est vraiment très cool. Ouais, et hein? Le blender est vraiment beau. Oui, c'est noir et vert. Genre de vert... avocat. Avocat, oui, c'est mieux. Avocat pas mûr. C'est vrai. T'as un petit cadran d'affichage qui est aussi vert, mais pas le même genre de vert, plus le vert quartz normal d'un appareil électronique. Donc, tout ça dans le troisième quart de l'année 2015 pour 150 $ américains. 150, c'est vraiment pas cher. C'est très, très bien comme idée. À quelle force le moteur? T'as-tu dit ça? 450 watts. Ah, c'est vraiment pas beaucoup, par exemple. Non. C'est vraiment pas beaucoup parce que moi, j'ai un 1500 watts, puis en bas de ça, je serais malheureuse. Mais c'est un peu comme... c'est presque l'équivalent d'un... pas l'équivalent du tout, en fait, mais ça me fait penser à un crock-pot, un peu mélange entre un blender et un crock-pot. Tu cuis à moins grande température, peut-être. Ouais, mais c'est ça. Avec ça, tu peux juste faire soupe et sauce. Je pense que tu peux pas te faire des smoothies ou, tu sais, du beurre de noix. Quelque chose, c'est vraiment... Je sais pas. Non. Tu peux régler le... Ah, ben, toi, tu voudrais aller plus haut que ça, c'est ça? Non, mais c'est ça, 450 watts, tu peux pas faire ça, le moteur est pas assez fort. Oui. On va rester dans le déjeuner, dans la cuisine, Steph, avec le Pancake Bot, qui automatise... Du cul à pancake. Ah, drôle. Non, c'est quoi? Non, c'est le Pancake Bot qui amène l'automatisation à votre déjeuner. En fait, pour des crêpes, comme des pancakes, hein? C'est pas tout le monde qui aime manger ses crêpes de façon normale, c'est-à-dire une crêpe ronde. Ouais. C'est plate un peu. On aimerait ça les avoir dans d'autres formes et aussi qu'elles goûtent meilleures. Et si on est facilement amusé, le Pancake Bot pourrait être pour vous. C'est un peu comme une imprimante 3D, mais pour les crêpes. C'est pas complètement en 3D parce que c'est pas à la verticale que ça va créer ça, mais plutôt à l'horizontale. Et c'est pas complètement automatisé non plus parce que vous allez devoir les retourner en cours de route. Ah, tabarouette! C'est beaucoup de travail, mais si vous cherchez à faire vos crêpes de différentes formes, ça vient avec une carte SD avec des formes pré-créées, pré-chargées. Ah! Il y a aussi un logiciel de traçage qui vous permet de créer votre propre forme de crêpe. Et puis, il y a un truc qui va pomper la pâte? Ben oui. Batter. Bref, la pâte de crêpe dans la forme que vous le voulez. Et puis, c'est ça. Ça dit ici que 179 $ qu'on demande sur leur page Kickstarter pour faire le Pancake Bot. C'est vraiment très cher. Moi, je pense que tu pourrais juste prendre une... Les poches à pâtisserie là, pour faire des motifs de glaçage, par exemple. Tu pourrais juste mettre ta pâte à crêpes là-dedans et faire un dessin dans ta poire, non? Oui, c'est sûr. Sauf que là, en ayant un traçage pour avoir quelque chose de peut-être symétrique ou d'une forme vraiment de peut-être un personnage. C'est vrai que la forme est vraiment impeccable. Parfaitement. Là, c'est un cœur sur l'image qu'on voit ici. Tu vois qu'il est un petit peu calciné sur les côtés. Je trouve un petit peu trop cuite sur les côtés. Je sais pas si on peut contrôler quelle portion va être plus cuite ou moins cuite. J'ai aucune idée comment ça fonctionne. J'ai l'impression qu'ils ont fait l'extérieur en premier. Là, il était rendu au milieu. Puis l'extérieur cuit trop vite par rapport au milieu. Je pense qu'ils ont des améliorations à faire. Mais l'idée est pas mauvaise. Quand t'es quelqu'un de professionnel, peut-être pas pour chez vous, mais si tu fais des crêpes de façon professionnelle dans la vie, pourquoi pas? Tout à fait. Ensuite, les Glovis. On dirait un surnom, le prénom d'une personne dans la soixantaine avec une barbe blanche. On dirait Gladys puis Clovis ensemble. C'est exactement ça. C'est leur enfant qui s'appelle Glovis. Donc, ça change n'importe quel gant en gant de terrain. c'est des vis qui allument dans le noir. Ah, wow! C'est parfait, ça, des vis qui allument dans le noir. Donc, Glovis, qui va changer vos gants en écran, en gants pour écran tactile pour votre iPhone. Ah, je trouvais mon idée meilleure. Ben, pas mal, ouais. Donc, des gants tactiles, c'est souvent super cher ou encore ça marche pas ou encore ça tient pas assez au chaud. Les gants tactiles que je me suis achetés ne tiennent absolument pas assez au chaud. Mm-hmm. C'est des gants pour les États-Unis facilement. C'est des gants d'intérieur. Exact. Donc, les Glovis, un projet Kickstarter pour n'importe quel écran tactile. En fait, c'est ça. Non, on va recommencer ça à la base parce que c'est pas ce que vous pensez. C'est un projet Kickstarter pour un écran tactile enlevable qui change votre affichage d'iPhone en écran qui va fonctionner avec n'importe quelle paire de gants. C'est le contraire de ce qu'on fait en ce moment, tu comprends? C'est vraiment une très, très bonne idée. Donc, c'est fait à partir de deux petits films métallisés avec des circuits transparents envoyés au laser à l'intérieur. Le film d'en haut et d'en bas sont séparés par un petit vide, un petit espace. Et quand on presse, qu'on comprime les deux circuits ensemble, ça va créer une décharge et ça va activer l'écran d'en dessous. Okay. Tout ça sans fusil de batterie et sans aucune calibration. Donc, l'écran tactile qu'on colle sur le iPhone est fait pour fonctionner avec tous les gestes normaux et les tapotements qu'on va habituellement faire avec un téléphone. Mm-hmm. Tout ça en portant votre paire de gants préférés et même avec vos doigts qui sont nus. Glovis qui va être disponible ils au départ. Nus. OK, j'ai compris qu'ils sont mous. Nus. Mou. Nus. Mou. Glovis qui va être disponible pour iPhone 3, 4, 5, 6 et 6 Plus. Le Stretch Goal sur Kickstarter pourrait permettre plus de compatibilité avec d'autres appareils. Glovis qui cherche de l'argent, ça démarre à 19$ pour une paire de Glovis, donc les écrans. Les trucs pour aller par-dessus votre écran. On prévoit envoyer ça au mois de septembre cette année. Et on visite la page sur assemblagerequis.com, la page Kickstarter de ce projet. Ben, prix raisonnable, ouais. Super utile. Ouais. Toi, tu vas acheter ça. Hein? C'est clair, j'en veux un, c'est sûr. Toi, là, ça te prend ça. C'est pour moi, vraiment, clairement. Ouais. Ensuite, un sac de voyage avec un système d'empilage qui va organiser vos vêtements. La photo dit tout, qui est sur assemblagerequis.com, mais en gros, ça ressemble à, tu sais, une affaire qu'on accrocherait après un poteau, un tuyau dans le garde-robe. Ouais, pour les souliers, etc. Ouais, ouais. Bon. Sauf qu'à la place d'avoir juste un rack à souliers, c'est un sac. Et le sac, en tant que tel, contient tout ça. Donc, contient les trucs pour accrocher après le garde-robe. Et dans le sac, t'as des compartiments pour les chandails, les bobettes, les bas, les ceintures. Les sandales, un paquet d'affaires comme ça. Et tout ça, une fois comprimé, entre dans le sac que tu peux transporter à l'aéroport. Ah, et ça te sert de garde-robe dans un sac. OK, donc c'est cool. Tu arrives à l'hôtel, oui. Tu déplies ça, tu vois tout ce que tu as, puis c'est déjà comme tout classé comme chez vous. C'est magique, non? Wow! Donc, c'est le Rise Gear Bag. C'est donc un système escamotable en instance de brevet. Avec des compartiments à zip pour des souliers additionnels que tu vas mettre sur le dessus de tout le reste une fois que c'est dans le sac. T'as deux poches très profondes et une longue poche à l'avant pour les toiletteries, chargeurs de téléphone et autres nécessités. Donc, Rise Gear qui offre trois versions de ces sacs. Le Weekender Duffel qui est montré dans la photo sur le dessus de l'article, disponible avec un extérieur noir et des accents extérieurs et intérieurs en bleu, gris ou rose pour 139$. Il y a aussi un sac de style Messenger, 99$ en bleu, gris ou rose, et un roller bag qui est un compartiment complet pour des habits de bureau, là, les habits propres, pour 199$ en bleu, en gris ou en rose. Ben écoute, quand même pas si cher que ça. Ouais. Parce que si t'achètes un sac de gym, c'est quoi, 60-70$? À peu près, ouais. Bon, fait que pas si pire ça. Absolument. Quelqu'un qui voyage beaucoup. Ensuite, on va. Il nous en reste deux petits derniers qu'on va terminer avec ça. Pour commencer, c'est du miel en fût. Hein? C'est le Flow Hive qui ramasse de l'argent. C'est 5,9 millions de dollars qui étaient ramassés jusqu'à maintenant. On demandait 70 000 dollars. C'est la plus grande avancée en apiculture depuis l'invention du Movable Comb Hive, donc les ruches qu'on pouvait transporter dans les années 1800. C'est une structure interne ingénieuse avec dans le fond, des cellules de honeycomb, les cellules en forme, je me rappelle pas comment on appelle ça en français, mais que les abeilles vont remplir. Une alvéole. Que les abeilles vont remplir de miel et un petit capuchon avec de la cire, donc qui vont eux-mêmes faire, c'est ce qu'ils font d'habitude. Sauf que le dos, le derrière des cellules peut être ouvert par un opérateur externe, donc une personne extérieure, et son contenu va être extrait comme en fût, sans déranger les abeilles, et ça va être mis dans des pots. Donc, le miel tombe dans les pots. Plus besoin de s'habiller dans un habit spécial parce que les abeilles sont dans la ruche. Plus besoin d'endormir les abeilles avec de la fumée. On a juste à ouvrir le goulot et tout sort. Donc, vous allez quand même avoir à vous occuper de votre ruche et les maladies, etc., tout ce qu'il y a à s'occuper habituellement. Mais au moins, ça enlève une étape. L'aspect ramassage est enlevé. Vous pouvez miser, donner de l'argent, 290$ sur Kickstarter. Il y a tout ce qu'il vous faut dans la boîte, sauf les abeilles, pour 600$ et la livraison devrait être en décembre 2015. Ouais, c'est bien, hein? Ouais, pourquoi pas. Et finalement, une couverture super hydrophobe qui aide les gens à ne pas pisser sur les murs. Hein? On se comprend. Donc, si vous êtes sous et que vous êtes rempli de pipi dans la vessie, vous ne devriez pas aller faire pipi sur un mur dans une ruelle. C'est de mauvaise manière. Vous pouvez vous faire arrêter. Les résidents du quartier Saint-Pauli de Hamburg en Allemagne en avaient assez. Donc, ils ont décidé de recouvrir plusieurs murs avec l'enrobage super hydrophobe qui a l'effet de faire rebondir le pipi directement sur la personne qui urine à la place de couler sur la surface du mur. Mais t'es pas averti la première fois. T'es averti par une pancarte sur le mur. OK? Donc, certains de ces murs ont un avertissement, d'autres non. La logique est que pisser sur les murs devrait déjà être... quelque chose qu'on ne fait pas en général. Ben non. Donc, s'il y a la pancarte, ça va juste le dire aux gens. Et s'il n'y a pas de pancarte, tu devrais quand même présumer que tu ne peux pas faire pipi. Puis t'apprends de tes erreurs, j'imagine. C'est ça. Sauf si t'es trop sous puis que tu t'en rends pas compte. Ouais. C'est ça. C'est sûr que tu sais plus lire rendu à ce moment-là. Donc, une solution ingénieuse à un problème qui dérangeait les résidents de la ville. Donc voilà, matériaux utilisés d'une nouvelle façon. Vous pouvez aller voir la petite vidéo qui vous montre comment ça a été installé sur assemblagerequis.com. Voilà, c'est tout pour ça. Existe, mais ça ne doit répondre là. Wow! Hein? C'était rempli de belles choses. Hey, juste du bon stock aujourd'hui? Oui! On aime ça. Voilà, c'est tout pour Assemblage Requis pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Oh non! C'est tout. Nous serons de retour demain entre 6h30 et 9h30 en direct à partir de 7h30. Mm-hmm. Demain, on sera jeudi, Stéphanie Paradis. Get on up, comme on dit. Jeudi, est-ce que tu sais qui on a le jeudi? Ben, j'attends que tu me le dises parce on que... On a Marie-Laurence Audet! Arrête donc, toi! Et le poste d'écoute. Bon. La chronique musicale. Donc, c'est demain, entre 6h30 avec Danny Janvier. Mm-hmm. Ensuite, à 13h, le marathon Mathieu Plante avec le Mathieu Plante Show à 13h et les Pamara C'est Fou à 15h. Audiomatique sera là à 18h avec la musique électronique et à 19h, c'est Audacieuse, l'émission de découverte musicale. On se quitte avec une dernière pièce. On s'en va entendre la nouvelle entrée de Napalm Pam sur le palmarès anglophone. Je crois qu'on l'avait écoutée hier, mais elle était très bonne. Donc, on va se la répéter pour se la mettre vraiment dans l'oreille. Si on l'avait écoutée, je ne me rappelle même plus. Si, M. Snow, on ne l'avait pas écoutée finalement. Non, on ne l'avait pas écoutée. Ah, on avait écouté la mauvaise. OK. On se quitte donc avec celle-ci. En fait, elle était bonne, oui. L'autre aussi. Mais c'était pas celle qu'on voulait. La mauvaise, c'est relatif là, comme expression. Bien dit. À demain, Steph. Merci. Bye. battle it right.